Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 34 du Bras de faire des films. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, j'ai Steven Lefrançois. Salut Steven! Salut Jean-François! Comment ça va? Ça va super bien. On a un épisode Chan Yun Fat, fait que moi, je suis vraiment de bonne humeur. Là, là on est dans ton élément. Là. Ah oui, je suis... Ben, peut-être pas pour une navette nanar, là, parce que c'était encore quelque chose qui était hors de mes connaissances et que je n'avais pas osé voir. Mais sinon, ouais, avec cet acteur-là, c'est dans mon élément. J'ai beaucoup d'affection pour Chan Yun Fat, puis je dirais que c'est un de mes acteurs fétiches. Là. Cool, cool. Donc, ben c'est ça, aujourd'hui, on parle des films The Killer de John Woo, 1989, et Dragon Ball Evolution, c'est en 2009, je crois. Oui. C'était qui déjà le réalisateur? C'est quelqu'un de connu? Étonnamment, oui, c'est James Wong, celui qui a réalisé le premier Destination Ultime, le troisième. Mmh. Il a réalisé également The One avec Jet Li et Jason Statham. Et sinon, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Là. Mais c'est quand même un réalisateur connu. Et c'est ça. OK. Ah, puis moi, ben c'est moi c'est ça, c'est le contraire. On sort de ma zone de confort parce que j'en ai déjà parlé. Les gens qui nous écoutent, ils sont habitués là, de savoir que je suis pas un habitué tant que ça du cinéma de ce genre-là, tu sais. D'arts martiaux, tout ça, puis... pas d'arts martiaux, mais là, The Killer, c'est pas ça, c'est un film de gangster, mais mettons... je vais englober ça en disant asiatique, je l'ai déjà dit, fait que je vais leur dire. Mais mm-hmm. j'ai tout le temps l'impression de sonner comme quelqu'un de raciste, mais c'est pas ça. Puis, c'est drôle parce que j'étais sûr et certain... Tu sais, la face à Chow Yun-Fat, je la connais parce que je l'ai déjà vue dans... à plein de places, là, je sais pas trop où, mais je me suis rendu compte en lisant sa filmographie que j'avais jamais vu aucun de ses films. Fait que, pour vrai? T'as même pas vu connu. Anna et le Roi? Non, pas vu. C'est quelqu'un de super connu, mais j'avais vu aucun de ses films. Fait que, ah, ok. C'était ma première fois. Ah, ben cool. Ben, en fait, en tout cas, personnellement, je trouve que il y a pas de meilleur moyen de découvrir Chow Yun-Fat qu'avec The Killer. Là. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que t'en as pensé. Là. Ben, sans plus tarder, commençons le match de bras de fer. The Killer est un film réalisé par John Woo en 1989. Ça met en vedette Chow Yun-Fat, Danny Lee, Sally Ye. Le scénario est signé John Woo aussi. Bon, Wikipédia nous résume ça d'une certaine... Je vais vous lire Wikipédia. Et ça nous donne, pour le nom du personnage principal, son nom dans la version anglaise. Donc, c'est Jeff. Jeff est un tueur à gages. Lors d'une commande, il rend accidentellement aveugle une chanteuse de bar, Jenny. Hanté par le remords, il décide d'aider Jenny et tombe progressivement amoureux d'elle. Alors qu'il décide d'accepter une dernière commande, dont l'argent doit servir à opérer Jenny, il se fait repérer par l'inspecteur Lee. Les commanditaires de Jeff décident alors de se retourner contre lui et tentent de l'assassiner. Coincé entre l'inspecteur Lee, flic acharné prêt à tout pour l'arrêter, et son ancien boss, Jeff n'a pas d'autre choix que de reprendre les armes. Alors que les amitiés sont trahies, aucun personnage n'apparaît ni tout blanc ni tout noir. On fait jouer un petit extrait du film et on revient tout de suite. T'aurais pu facilement me tuer? Je ne tue jamais personne, sauf si c'est vraiment un ennemi. Parce que tu crois me connaître? C'est le destin qui contrôle tout. Hein, c'est quand même dingue. Le seul qui me connaît, c'est un flic. Tu pourrais te constituer prisonnier? C'est pas possible. J'ai promis et je dois tenir ma parole. Quelquefois, j'envie ta liberté. C'est quelque chose que je pourrais jamais avoir. Je crois en la justice, mais personne ne croit en moi. Ouais, j'ai le même problème. T'es un drôle de flic, toi, tu sais. Oui, toi, t'es un drôle de tueur. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Qui est derrière tout ça? Qui tire les ficelles? Ça, je m'en fiche. Moi, je joue selon les règles. Je savais bien que tu me le dirais pas. Prends bien soin de Jenny. Wang veut ta peau. Alors laisse-moi t'arrêter. Hi, The Killer. J'ai envie de rire depuis le début de l'épisode parce que je me disais depuis que je l'ai écouté, là, ça va être intéressant cette discussion-là. Mais je pense que je vais te laisser commencer pour que tu me parles pourquoi tu as choisi The Killer et c'est quoi ton histoire avec The Killer. Ok. La seule raison pour laquelle que j'ai choisi The Killer, c'est parce que je regardais les nouveaux films qui avaient été mis sur Netflix et The Killer de John Woo était là. Et j'étais vraiment content. Et durant un épisode, je ne sais plus lequel qu'on a fait, tu m'as mentionné que The Killer était sur Netflix. Puis on avait parlé de John Woo, je crois. Puis c'est là que tu avais mentionné The Killer. Puis j'ai comme fait, ben mon Dieu, j'ai envie qu'on fasse un épisode sur The Killer. Mais là, j'étais comme, comment on pourrait le faire? Là, je me suis dit, oh, ben un épisode John Woo fait. The Killers, j'ai un amour profond pour ce film-là parce que, avec Police Story de Jackie Chan, The Killers, c'est le film qui m'a fait tomber en amour avec le cinéma HK, le cinéma asiatique, qui m'a donné envie d'en découvrir plus. J'ai comme découvert une autre panoplie du cinéma d'action que j'avais jamais vu. Je veux dire, j'étais habitué de voir tous les Van Damme, tous les films gros, les gros films d'action américains. Puis là, quand je suis arrivé à être The Killer, c'est vraiment comme moi qui pensais avoir tout vu. On m'offre quelque chose de complètement nouveau et de révolutionnaire à mes yeux. Et j'ai tellement pris une claque. C'est un film que j'ai écouté en boucle et en boucle depuis ma première fois. Et c'est là que non seulement j'ai découvert la carrière de John Woo, que j'ai commencé avec son cinéma américain. Je l'ai découvert évidemment avec Face Off, avec John Travolta, Nicolas Cage, Broken Arrow, Hard Target. À part Face Off, qui a la meilleure réputation dans ses films américains, je trouve que le cinéma de John Woo n'est pas comparable à sa carrière asiatique à celle américaine. Je crois que tout son potentiel que ce réalisateur-là avait, qui est loin d'être juste axé sur de l'action, ben, on peut le voir dans son cinéma asiatique. Tandis que quand on regarde ses films américains, ben, wow, les scènes d'action sont super bien réalisées et sont tripantes. Mais je veux dire, il manque la touch de John Woo et son univers qui est bien cher à lui, qui était quand même un peu présent dans Face Off. Fait que. Non, c'est ça, j'ai une grosse relation d'amour avec The Killers. OK. Puis, je pense que je vais le dire tout de suite parce que il y avait quelqu'un sur Facebook, un de nos auditeurs qui s'appelle Jean-Philippe Vandal-Labrique, qui nous avait parlé de son opinion sur The Killer, puis ça m'avait mis un peu, ça m'avait donné un peu aussi le ton de genre de film à laquelle m'attendre, parce que je ne l'avais pas encore vu quand j'ai lu son commentaire. Son commentaire disait « Je voue un culte au film The Killer. Je me souviens d'avoir trouvé ma VHS du film en version française dans le bac à vendre de mon vidéoclub avec aussi le syndicat du crime pour seulement 99 cents, une vraie farce, il y a quelques années. J'en revenais pas du nombre de fusillades que le film contenait et de sa fin, entre parenthèses, spoil, très loin des happy endings d'Hollywood. Bref, si vous voulez une très grosse dose d'action, je recommande toujours ce film aux gens. » Donc, ça mettait déjà la barre très haute, puis avec tout ce que tu avais dit, puis tout ce que j'avais entendu dire. Moi, j'ai vu des films de gangsters quand j'étais jeune, tu sais, les Reservoir Dogs, les classiques américains des années 90, là, de Léon, de Luc Besson, Nikita, des trucs comme ça. Ben, tous les Tarantino, dans le fond. J'ai vu aucun Guy Ritchie, par contre. Je pense que Ritchie faisait des films de gangsters aussi, j'en ai pas vu. Ça, j'ai jamais été un gros. Puis des Scorsese, ben j'ai jamais été vraiment un gros fan de ça. J'ai jamais vu Goodfellas. J'ai vu Casino, mais j'étais pas un fan. C'est ça, je suis pas du genre à triper non plus sur des films comme Godfather, des trucs comme ça. T'sais, c'est pas trop ma tasse de thé. Mm-hmm. Fait que là, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis. Par où commencer? OK, ben je c'est un film qui a des scènes d'action très intéressantes, c'est sûr et certain. Beaucoup de gore puis tout, ça, c'est très intéressant pour ça. Puis John Woo, ben ça, j'avais déjà vu Face Off, j'avais vu Broken Arrow, j'ai vu Hard Target quand j'étais plus jeune, puis sans savoir que c'était lui, sans savoir que c'était tout le même réalisateur à l'époque, je m'intéressais pas tant que ça, savoir c'était qui le réalisateur quand j'étais plus jeune, dans le temps de Broken Arrow. Rendu à Face Off, je savais son nom, là, je savais que c'était John Woo. Mais je pense pas que je n'avoir vu par après de ses autres films. Mais c'est ça, je voyais un peu le dans ma tête un peu quel style ça devait avoir, puis c'est ça, on retrouve tout ça dans The Killer, mais c'est comme le début de sa carrière, fait que c'est comme la genèse de son style, là, puis ce qu'on appelle les Mexican stand-off, le monde qui se pointe deux, trois guns d'en face, là, en même temps, deux, trois personnages qui se pointent tout le gun. Ouais. On avait ça dans Reservoir Dogs, on avait ça dans Face Off, puis dans The Killer, il y a des scènes comme ça aussi, puis tout, puis tous les éléments sont là, puis c'est intéressant pour ça. Par contre, c'est là que ça devient intéressant, puis que tu vas peut-être m'obstiner, tu vas peut-être m'haïr, tu vas peut-être me chialer. J'ai trouvé ça super cheesy comme film. De un, le scénario est mince comme tout, puis c'est en lisant le résumé sur Wikipédia que j'ai fini par comprendre un peu c'était quoi l'enjeu du film, parce que je comprenais pas dans le film pourquoi ils se battaient tout le monde. Je comprenais à peine, tu sais, que c'était comme, OK, c'est juste pour une valise d'argent, j'étais comme ou juste l'honneur, j'étais comme, OK, c'est mince pour moi. Puis je me suis pas à aucun moment vraiment attaché au personnage. Puis il y a plein d'affaires qui m'énervaient. Là. La musique, ça m'énervait au bout. Le synthétiseur, là, je voulais mourir. Là. C'était comme... tu sais, comme le sketch de Pérus dans l'album du Peuple 1 ou 2, où ce qu'il dit... Il y a le petit couple qui rentre dans une boutique où ils vendent des produits nouvel âge, puis il y a une musique qui joue en background, puis le gars, il dit « Chris », on dirait un gars qui s'est endormi sur son clavier puis ça retourne la tête une fois de temps en temps. Ça m'a fait penser à ça, la musique de Killer, personnellement. Ah ouais? Oui. ça m'étonne vraiment. J'ai détesté la musique, puis c'est ça l'histoire. J'étais comme... Puis la fille, je la trouvais mauvaise actrice, fait qu'elle m'énervait. Mais puis son personnage était mince comme tout. Là, c'était comme... c'est juste la fille qui a peur, puis qui est victime, puis la demoiselle en détresse. Puis... Mais c'est ça, tu sais, j'arrivais pas vraiment... J'arrive à voir honnêtement pourquoi ce film-là a influencé plein de monde. Il a influencé, comme disait Luc Besson, Tarantino, plein de monde. Mais je trouve que ça a drôlement vieilli. Peut-être que si je l'avais vu plus jeune, c'est souvent ça que j'ai dit ici au podcast sur certains films, peut-être que si je l'avais vu plus jeune, j'aurais plus apprécié. Tu sais, je pourrais dire la même chose, mettons, pour Stay Tuned la semaine passée, il y a deux semaines qu'on a fait... Stay Tuned, si je le verrais pour la première fois en 2015, je trouverais que ça a drôlement vieilli aussi, là, puis je le verrais avec des yeux d'adulte. Quand je le vois, peu importe à quelle période de ma vie, je le vois encore avec mes yeux d'enfant. T'sais, comme je me retrouve comme quand la première fois que je l'ai vu, ce qui m'arrive pas avec The Killer. T'sais, puis je sais pas à quel point ça a bien vieilli. Moi, personnellement, je trouve que ça... T'sais, je sais que c'est un film super important, puis c'est un gros blasphème ce que je dis là en ce moment, mais... c'est pas blasphème, tu sais, je veux dire, tu dis ton opinion, t'es honnête, puis c'est le but, on n'est pas là pour dire le contraire. T'sais, j'aurais pu découvrir un de tes classiques, tu m'as fait découvrir, puis dire que ça a mal vieilli ou quoi que ce soit, que, tu sais, je veux dire, c'est ça l'intérêt du podcast. Puis je m'attends à ce que ça arrive un jour, là, c'est, on est là pour ça, on est là pour jouer cette film, c'est tout. Mais je me disais tout le long du film, je disais, OK, c'est un classique, c'est un film culte, ça, je le sais, je comprends ça, son importance, puis tout le monde le vénère. Puis en même temps, j'ai tellement l'impression qu'on pourrait se ramasser une gang de monde là, avec de la bière, puis tout, puis en rire tout le long de toutes les affaires qui sont cheesy, puis de l'acting qui est over the top tout le temps, puis c'est juste la... Ben, juste, il y a un moment, une scène où que le policier, il... Ben, tu sais, la plupart des gens l'ont peut-être vu, là, c'est un spoiler, mais à la finale, le policier, on voit sa face en gros plan, puis là, il crie le nom le surnom du tueur à gages, du personnage principal, tu sais, qui, en anglais, dans les sous-titres que je regardais, c'était Shrimp Head, puis Shrimp Head, Shrimp Head, puis j'étais crampé, là, c'était comme, mais c'est donc bien cheesy, ça. Sylvain Desmenti pourrait faire une vidéo, puis spotter toutes les bouts qui sont super cheesy, là, c'est incroyable, là, dans ce film-là, il y en a tellement, je trouve, là. Mais ça, c'est mon regard. Aujourd'hui, tu sais, j'arrive pas à rentrer dedans comme si j'étais peut-être plus jeune ou plus, je sais pas, tu sais, Je sais pas comment dire, mais c'est ça. Tu sais, je veux pas insulter personne, je veux pas insulter qui que ce soit qui l'écoute. Puis je comprends, comme je dis, je comprends son aspect qui a influencé tout le monde, tu sais, mais j'arrivais pas à adhérer à la proposition du film, à embarquer vraiment. Puis, mais c'est ça, les scènes d'action, c'est une plein full pin, puis c'est ça, c'est de l'action à tour de bras du début jusqu'à la fin. Puis ça, pour ça, c'est parfait. Là, c'est quelqu'un qui cherche vraiment juste ça, mais il y en a plein, il y en a plus que ce qu'il en demande. Là, c'est, ça arrête plus. Là. Mais je vais reprendre mon souffle un peu, je vais te laisser réagir. Mais... Ah, ben c'est correct. Gars, je démissionne, Charles DGF. Non, ouais, c'est pas vrai. C'est drôle que tu mentionnes ça comme étant pratiquement juste un gros film d'action qui devrait plaire au monde, parce que de quel âge je le considère comme un film dans la filmographie de John Woo qui offre plus que ça, à part peut-être Bullet in the Head, qui est pour moi son meilleur film en tant que film et non juste action, là, qui est le meilleur scénario et ainsi de suite. Mais Hardboard est considéré comme son meilleur film d'action et pour moi un des meilleurs le meilleur film d'action qui a jamais été fait. Et c'est un film où que l'action prend vraiment le dessus sur l'histoire et sur le côté émotionnel. Tandis que The Killers, que moi je trouve, garde une ligne parfaite entre scène d'action au rythme d'enfer et un côté très poétique et très, très émotionnel avec ses personnages qui est toujours constant. En fait, The Killers, parce que, tu sais, c'est veut pas, ça date des années 80, c'est très ancré dans son époque. Mm-hmm. Juste l'habillement du policier qui fait très, très pyjama, un peu son smoking. Je sais pas si c'est lui, maintenant maintenant on voit un gros plan de cravate avec un imprimé de léopard ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, exactement, là. Ouais, c'est lui. C'est lui. Tu sais, je pense que t'as bien des trucs qui sont typiques de l'époque, surtout dans ce cinéma-là, dans le cinéma HK. Qui, moi, je suis déjà habitué de voir ça, qui me dérange pas. Mais en même temps, je trouve que The Killer n'a pas pris une ride. Parce que le cinéma de John Woo, c'est jamais un cinéma qui tente de se la jouer la carte du réalisme puis d'essayer de faire justement un Godfather puis d'essayer de faire de quoi qui est le plus crédible. C'est vraiment un gars qui crée un univers puis il va juste nous faire intégrer dans son univers sans que ça soit quelque chose de forcément réel. Dans l'univers de John Woo, un peu moins dans The Killer, mais surtout Hard Target, Hardboard, par exemple, c'est les personnages n'ont jamais besoin de recharger. Ils ont des balles à profusion dans, oui. dans leur gun. Puis il y a un côté très sentimental, over the top. Des fois, la réaction des personnages sont over the top. C'est des situations, des fois, qui n'arriveraient pas dans la vraie vie. Mais tout ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut faire abstraction puis se dire qu'on écoute quelque chose de fantaisiste puis on est juste entraîné dans un univers de réalisateur et de The Killer. Je pense que c'est le film, pour débuter avec le réalisateur, qui contient le plus les thèmes qui sont chers à John Woo. Le film traite beaucoup de l'amitié, des codes de l'honneur, de la rédemption. Surtout aussi, un des thèmes chers à John Woo, de prendre deux personnages qui sont complètement opposés, qui sont pas vraiment associables, mais qu'au fil du film, finalement, ils se ressemblent et vont finir par se relier ensemble. C'est tous des trucs qu'on revoit souvent chez le cinéma de John Woo. Puis moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la relation puis la chimie entre le tueur puis le personnage policier de Danny Lee ou Daniel Lee. Je ne suis plus trop certain. Des fois, je me mélange. L'actrice, sans qu'elle soit forcément une grande actrice, je trouve que sur le coup, elle fait la job. C'est pas forcément le personnage le plus important. Elle est juste là pour faire avancer les motivations de Jeff. Mais le plus important, c'est vraiment plus la relation entre le policier et Jeff. Aussi, sa relation d'amitié avec son vieil ami. T'sais, ce sont deux tueurs qui sont là comme depuis des années dans le business, qui ont tout le temps eu un code d'honneur. Un code d'honneur qu'on pourrait facilement relier au code d'honneur samouraï depuis des années. Qui ont vraiment de l'honneur entre eux et qui, dans un monde plus moderne, dans l'époque où le film a été tourné, semble avoir disparu. Toutes les autres personnes qui sont rendues plus haut qu'eux, les gros boss, ils n'ont pas d'honneur. C'est tous des crapules qui n'ont aucune dignité à tuer, à tirer dans le dos et à se la jouer. Et c'est intéressant de voir au début, la première scène qu'on voit dans l'église, nous montrer tout de suite la totale confiance qu'il y a entre Chun Yun Fat et son meilleur ami, qui est celui qui donne les contrats et qui demande « Est-ce que tu veux vérifier les guns? » Puis il dit « Non, j'ai une totale confiance en toi. » C'est déjà là pour nous installer les bases, que c'est une relation d'amitié vraiment solide et digne de confiance. Et veux pas, il va avoir une grosse scène. Je pense qu'on va y aller d'un spoiler. Là. Je pense que c'est un film que tout le monde a vu. S'ils veulent pas entendre les spoilers, ben, on peut qu'ils skippent et qu'ils le réécoutent une autre fois. Il va y avoir une scène où, que pour le dernier contrat, Chun Yun Fat va avoir été trahi, puis il va vouloir avoir son argent, puis il y a un doute comme quoi ça serait son ami qui l'aurait peut-être trahi. Et durant cette scène-là, il demande de ramener l'argent et il va laisser un revolver sur la table. Évidemment, le chargeur est vide, lui, il sait, mais son ami, il sait pas. Puis sur le coup, il va juste prendre le revolver puis viser ce Chun Yun Fat. Puis ils se demandent jusqu'où leur amitié tienne, jusqu'où ça peut être détruit, puis que la trahison peut avoir lieu, puis sur le coup, ils tirent. Moi, cette scène-là, c'est une de mes scènes favorites du film, et je la trouve écœurante en termes de performance d'acting. T'as pas besoin d'un seul mot, juste l'expression dans les yeux de Chun Yun Fat, toute la douleur qu'il ressent au moment du déclic du revolver. On ressent sa douleur, moi, ça me fait triper, j'adore ce côté-là. C'est je dirais pas mélodramatique, mais c'est surjoué dans cet univers-là, mais ça fonctionne avec la caméra de Jumo, la réalisation, puis le montage. Ça, c'est un des points forts du film. Les cadrages, la réalisation, le montage, je me rappelle, c'est Daniel Wu qui s'occupe du montage, qui est un des meilleurs amis de John Woo, qui a pratiquement monté tous ses films. Il a passé des nuits blanches à monter les films pour que tout soit parfait, que ça soit monté à la seconde près, que John Woo est là, qui dit « Oh non, ça, c'est pas correct, chance-ci. » J'avais été voir le premier film réalisé par Daniel Wu, Fantasia, puis il parlait justement de sa relation avec John Woo, puis comment c'était quelqu'un de capricieux du détail, puis qu'il pouvait passer des heures à monter une seule scène juste pour que le tout soit parfait. Et j'imagine, ça n'a pas dû être facile, mais le résultat est génial. Je veux dire, personnellement, je trouve que ce film-là, c'est une véritable leçon de cinéma pour les amateurs de mise en scène et de montage. Dès la scène d'intro dans l'église, la manière que c'est cadré, la manière que c'est monté, t'as des plans vraiment géniaux. La photographie est superbe, une espèce de bleu très comment je pourrais dire ça? J'avais le mot quand j'écoutais le film, j'ai complètement perdu. Un bleu très... somnolent, si on veut. T'as des images de la ville de Hong Kong au début du film qui sont très belles. Moi, la musique, je l'aime beaucoup. C'est un soundtrack que j'affectionne. Je trouve que ça a un côté très mélancolique. Moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve pas que c'est juste du synthétiseur. Par contre, t'as quand même des thèmes dans le film qui est plus comme de la flûte puis de la guitare, si je me trompe pas. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai trippé. Même chose, comme je disais, je parlais de la relation d'amitié entre le boss de Chun Yun Fat et lui, mais la relation avec Daniel, le policier, puis Chun Yun Fat aussi. J'aime beaucoup la progression. J'aime beaucoup la scène justement que Chun Yun Fat va tomber dans une embuscade, puis malheureusement, il y a une petite fille qui va être touchée par les balles des assaillants. Puis un peu comme la chanteuse du bar, Chun Yun Fat, va tomber amoureuse. Il y a tout le temps des victimes, des espèces, si je peux dire, des dommages collatéraux à chacun de ses contrats. Et c'est pas un tueur de sang-froid, c'est pas un tueur sans merci. C'est vraiment un être humain qui a de la misère à lâcher le boulot, mais en même temps, il voudrait lâcher parce que c'est pas fait pour lui. Il souhaite pas la mort ou ces dommages collatéraux, si on pourrait dire là. Puis il est prêt à risquer sa vie, justement, juste pour ramener la petite fille à l'hôpital, pour être certain qu'elle soit correcte puis qu'elle meurt pas. Puis c'est une relation que le policier va découvrir en tant que tel, que c'est pas forcément le tueur de sang-froid qu'on pourrait le croire au début, lorsqu'il va assassiner l'espèce de politicien, je sais pas trop qui. Puis la scène d'hôpital, moi, je l'adore. T'as une espèce de gros plan large, puis c'est jamais laissé pour compte. T'as vraiment, le plan se termine. Du côté gauche, t'as le policier. Du côté droit, t'as une fat qui se vise chacun avec arme à la main. Et au milieu, t'as juste les médecins qui sont en train d'essayer de réanimer la petite fille qui est en train de mourir. Puis t'as juste Chum Fat avec les gouttes de sueur qui regardent puis qui espèrent juste de voir un mouvement de la main de la petite fille pour réagir. Puis t'as le policier qui regarde en même temps puis qui analyse le regard de Chun Fat. T'as vraiment un gros jeu de mise en scène. Les personnages font tout de quoi, puis il y a tout le temps des idées, puis quelque chose d'important qui arrive. Tu peux juste regarder une minute d'une scène, puis juste analyser tel geste ou telle réaction de personnage, puis il y a tout le temps plein d'idées. Puis même chose dans les scènes d'action, c'est super chorégraphié. On dirait vraiment des ballets, c'est vraiment une danse, c'est vraiment une espèce de violence qui a un côté poétique dans la manière que John Woo les réalise. Ils sont vraiment écœurantes. C'est bourré d'idées, bourré d'idées de montage, de plans. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau à chaque scène de gunfight pour que ça soit jamais redondant. Sinon, je vais prendre un petit break. Je suis en train de perdre mon souffle. Je vais te laisser continuer. Là. Non, je reconnais tout ce que tu dis, là, tu sais, je reconnais ses qualités, mais tu parles du montage, puis moi, c'est un autre problème qui m'énervait, c'est les arrêts sur image, les freeze frames, les nombreux flashbacks que je trouvais inutiles, des flashbacks de moments qu'on a vus dans le film. C'est comme, quand je vois ça dans un film, ça m'énerve, là, parce que c'est comme pour dire, regarde, vous vous en souvenez peut-être pas, mais on a vu ça au début du film. Oui, mais je m'en souviens, je l'ai vu le film, tu sais. Mais c'était très fréquent dans les années 80 en même temps. Fait que j'ai de la misère à critiquer cet aspect-là parce que ça faisait partie de qu'est-ce qu'on voyait souvent dans les films dans cette époque-là. Mais je sais pas, la manière que c'est monté, même si c'est des trucs qu'aujourd'hui, ça m'énerverait de voir dans un film récent, je trouve que là, ça fonctionne. Tu sais, t'as des freeze frames entre les deux personnages qui se regardent avec un sourire, puis ça l'arrête sur ce moment-là, mais... Tu sais, ça le fait à la fin, durant la grosse scène d'église, puis avant qu'il sorte dehors, t'as un dernier freeze entre Chun Fat puis le policier qui se font un dernier sourire, puis moi, je le vois plus comme un dernier instant, puis c'est comme... Mais il y a des freezes aussi, des fois, juste avant des flashbacks, il me semble. Faudrait que je le revoie pour les spotter exactement, là, pour te dire, mais j'aurais dû y noter, là, mais j'en ai vu d'autres, je suis pas mal certain... Non, il y en a d'autres, c'est pas les seuls dans le film, mais je trouve que c'est pas fait à... comment je pourrais dire, c'est pas fait de manière gratuite ou nowhere sans aucune signification. Je pense à la porte de quoi en termes de d'émotion qu'est-ce que c'est supposé représenter, puisque veux pas The Killers, le côté sentimental du film marche sur les images, le montage, la réalisation, puis les performances physiques des acteurs. C'est pas vraiment sur les dialogues, il n'y a pas trop de dialogue dans le film. Puis je pense que en tant que tel, c'est pour ceux qui utilisent autant d'effets de montage, mais. C'est peut-être là mon problème aussi. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime les histoires. Tu sais, je t'ai déjà raconté, peut-être pas dit au micro, mais je t'ai déjà raconté que quand j'ai vu Transformers, le premier film, je m'étais endormi à la fin, dans la dernière demi-heure du film. J'étais au cinéma, là, puis je m'étais endormi. Tu sais, moi, j'adorais les bouts où l'histoire avançait, parce que le monde, il jasait, puis qu'il y avait quelque chose qui avançait. Mais en même temps, je sais bien que j'étais dans un film de robots géants, là, tu sais. Mais c'est pas... Quand il y avait trop d'action, c'était comme, OK, fuck, mes yeux, c'est comme... je vois juste trop d'affaires qui explosent en même temps, puis je décroche, là, tu sais. C'est un peu ça. Pas tout à fait ça, mais ce qui est un peu... Tu sais, je reconnais le côté chorégraphié, comme tu dis, dans The Killer, mais en même temps, c'est ça aussi, quand il y a trop d'action, trop d'affaires qui sautent, de bras qui explosent ou de poitrine ou tout ça, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est trop, là, puis je voudrais que l'histoire avance un petit peu, qu'il y ait plus de chair un peu à l'histoire, là, tu sais, que juste une histoire d'honneur ou juste une histoire de valise d'argent ou de gars qui s'en veut d'avoir rendu aveugle une fille, tu sais. Mais c'est ça, non, je comprends en même temps, tu sais, je veux pas, je le critique pour les mauvaises choses, je le sais, là, mais c'est juste ma vision des choses à moi en 2015, puis c'est d'un gars qui est pas vraiment friand de ce genre-là, fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, je vais juste dire ce que je pense, là, mais je pourrais le revoir puis finir par plus l'apprécier éventuellement aussi, là. Mais c'est drôle, j'étais certain, par contre, t'allais accrocher justement à la relation entre le policier puis le tueur, parce que... Je sais pas, je réécoutais le film, puis il y a comme plein de scènes, je suis comme, ah, je suis sûr que Jeff va apprécier cette scène-là. Tu sais, je repense juste à la scène de l'appart où que Chum Fat va réussir par rentrer, puis justement, c'est une des scènes fétiches où le policier et lui vont se retrouver armes à, arme un contre l'autre, puis là, t'as Ginny qui est là, qui est aveugle, puis qu'elle essaie de surveiller, puis ces choses-là, mais tu sais, eux continuent de se pointer, elle se doute de rien, puis elle pense que c'est juste comme une espèce de réunion de vieux amis, puis toute la scène est fun, puis je trouve vraiment qu'il y a une belle chimie entre ces deux personnages-là qui sont de deux mondes différents, mais que finalement, ils finissent par se rejoindre, puis justement, oui. T'as une phrase que lorsqu'ils vont jaser un peu plus puis qu'ils vont vraiment avoir un moment plus intime entre les deux, ou qu'ils vont dire que le policier dit « Moi, je crois fermement à la justice, puis je suis vraiment quelqu'un de bien, mais personne ne veut croire en moi. » Puis là, t'as le personnage de Jim Fat qui dit qu'il lui éprouve exactement les mêmes problèmes de son côté. Puis, t'as plein de petits points de même que je trouve que ça renforce le côté juste gros film d'action, mais que c'est pas ça. T'sais, de Keller, c'est plus que juste t'offrir des fusillades à profusion non-stop. Je trouve qu'il y a une bonne comment je pourrais dire, il y a un bon rip entre fusillade et entre, comme tu dis, développement d'histoire que tu as peut-être un peu moins vu, ou qui pour toi c'était plus justement une succession de scènes d'action, alors que justement comme d'autres films de John Woo, c'est vraiment des gros gunfights, des fois qui peut durer la finale de Hard Boy, je te dis, je pense que c'est un 40 minutes dans l'hôpital non-stop d'action, tandis que là, je trouve que c'est quand même bien géré entre gunfight puis moment plus calme et sentimental de développement de personnages, là. Parce que si on prend d'autres films d'action, je prends, mettons, Reservoir Dogs, ça parle tout le long, là, puis c'est vrai, il y a des dialogues qui sont peut-être trop longs puis qui mènent nulle part, comme dans tous les films de Tarantino, mais ça, j'adore ça, ce film-là, puis il n'y a pas trop de fusillades. Les moments de tension viennent des fois juste de Michael Madsen qui danse avant d'arracher une oreille, ou de trucs comme ça. C'est vraiment juste dans l'attente, dans le suspense, puis... puis, mettons Die Hard, qui est comme mon film d'action préféré, puis c'est le film d'action préféré de bien du monde, puis je sais qu'il est souvent mis côte à côte avec Hard Boiled, mais c'est ça, Die Hard, t'sais, je m'attache plus à l'amitié entre John McClane puis le gars en bas, le policier, puis c'est ça, des moments calmes, mais je trouvais qu'il y avait plus de choses qui se passaient que dans The Killer, mais je reconnais qu'aussi il y a des scènes intéressantes, comme tu dis, la scène de l'appartement, oui, tu sais, la scène avec son ami, comme tu disais, où son ami finit par tirer dessus, mais sans savoir qu'il n'y avait pas de balle dans le fusil, ou bien la scène aussi où le policier il va soigner la blessure de Chow Yun-Fat dehors avec la poudre à balle, tu sais, puis il y a un petit dialogue là aussi que je trouve intéressant, puis... Mais vers la fin, je trouvais que ça faisait quasiment... sans vouloir insulter quoi que ce soit, sans vouloir... ça faisait quasiment homo, là, je trouvais, vers la fin, là, la relation entre les deux. Là. Surtout le policier qui avait quasiment l'air amoureux là, de Chow Yun-Fat. Là. Je dirais plus quasiment fasciné en tant que tel. Il y a quasiment une fascination envers lui. Puis, une autre scène que j'aime particulièrement après la fameuse fusillade, puis où Chow Yun-Fat va se rendre compte que son ami l'a trahi, t'as le policier qui va analyser la scène de crime, puis t'as comme un montage d'altercation entre lui qui est assis sur le divan, puis celle de Chow Yun-Fat, puis qui tente de recréer la scène. Puis c'est un autre moment que j'apprécie beaucoup. T'sais, il arrive déjà à se mettre dans la peau, puis on dirait, dans un sens, il veut un peu être dans la peau de ce personnage-là, qu'il y a une certaine liberté de faire sa justice sans que personne lui soit au cul, puis que personne soit là pour lui nuire ou l'empêcher, ce qui le personnage de Danny tente de faire dès la première mission qu'on voit au début, quand on voit le personnage pour la première fois. Il tente d'arrêter un dangereux criminel qui est vraiment recherché, puis qui a des gros problèmes de violence. Et dans un autobus, il va prendre une femme en otage. Puis, sur le coup, tu sais, t'as pas le temps forcément de penser. Il va tirer littéralement sur lui, ce qui va causer une espèce de crise cardiaque chez la dame qui a des problèmes de cœur. Puis, il se fait bombarder de merde, puis toutes sortes de trucs. Puis elle se dit qu'il a mal réagi, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Puis il essaie de leur expliquer dans un tel moment comment je suis supposé réagir dans un moment de tension. J'ai juste essayé d'empêcher un criminel de faire plus de victimes. Puis justement, durant la finale, je pense que c'est ça. Tu vois le personnage quasiment de Daniel Lee. Je l'appelle tout le temps ça, mais dans le film, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est Inspecteur Lee, je pense. Inspecteur Lee, justement. Puis durant la finale, justement, qui est côte à côte avec Chow Yun-Fat à liquider tous les criminels, il a quasiment l'air de triper, là. Puis même Chow Yun-Fat le regarde, puis il tripe. T'as comme... On dirait qu'il y a comme un moment de liberté que le personnage a, qu'il n'a pas eu durant tout le film à essayer de faire la justice qu'il a tout le temps voulu faire sans qu'il y ait les bâtons dans les roues, si on veut. Puis je trouvais ça très intéressant, son espèce d'évolution, justement, de la justice entre les deux personnages tout le long du film. Ouais, puis je veux juste préciser, t'as raison, puis je veux juste préciser aussi que ça avait rien de ça, c'est pas un problème s'il était homo dans le film ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me donnait cette impression-là, mais ça aurait pas été un problème. Mais en fait, comme je dis, c'est des thèmes puis des trucs qu'on revoit de manière récurrente dans le cinéma de John Woo, puis même dans Hard Boiled, t'as une autre relation de même entre deux policiers, puis je pense que ça fait partie du cinéma asiatique. Je peux comprendre que je comprends ce que tu veux dire par le côté homo, puis qu'ils sont vraiment très liés, mais en même temps, ça fait partie du cinéma HK, puis ça... Je peux pas vraiment justifier ces faits de même. Je crois que c'est le genre de truc que t'accroches ou t'accroches pas. Je me suis mis à penser en regardant le film. Au mois de décembre dernier, on était supposé faire Fistful of Dollars, puis un autre, Lone Wolf. C'est quoi déjà le nom? Lone Wolf McQuaid avec Chuck Norris. J'ai regardé Fistful of Dollars, puis tout le long du film, je me disais. Ok, c'est le problème avec pas mal tous les westerns, mais c'est un film de gars. C'est un film de gars qui se mesure le pénis tout le long. Là, mais le pénis, c'est leurs armes. Ils font juste se tirer avec leurs armes. C'est qui a l'arme la plus grosse, c'est qui tire le plus loin, c'est qui crache le plus loin. C'est ça, tu sais. Puis des films de gangsters, c'est un peu ça dans ma tête aussi. C'est des gars qui veulent jouer avec le petit joujou, qui veulent jouer avec le fusil, puis tout. Puis c'est un peu ça mon problème. C'est de même que je vois tous les films de gangsters quasiment. T'sais, j'ai de la misère à en trouver qui m'accrochent vraiment, qui vont plus loin que ça, que juste de la fusillade. Puis peut-être qu'il y a ça dans The Killer, puis je l'ai pas vu. Moi, je voyais juste du fusil tout le long, puis du synthétiseur, puis toutes les. Je focusais beaucoup sur ce qui m'énervait, tu sais. Puis j'étais pas prêt à un film que je trouvais aussi cheesy que ça, que je m'attendais pas à ça, tu sais, à ce côté-là. Mais c'est, comme tu dis, c'est tous des éléments qui font partie de ça, puis qui font partie du langage de ce cinéma-là. Fait que je l'ai pas perçu comme ça. Moi, je l'ai perçu comme des défauts, alors que toi, tu vois que ça fait partie de sa fabrication, puis que c'est voulu, puis tout. Puis c'est ça, tu sais. Mais c'est de là que vient mon problème, dans le fond. C'est que moi, j'ai perçu ça comme des défauts, tu sais, qui m'ont tapé sur les nerfs, tu sais. Mm-hmm. C'est drôle parce que le film qu'il a fait avant, justement, le syndicat du crime, qui possédait les mêmes bases, l'amitié, la trahison, l'honneur, ces choses-là, c'est à peu près le même style de film, sauf que les fusillades sont réduites à deux ou trois grosses fusillades sur 1h30 dans tout le film. Puis tout le reste du film, c'est vraiment le développement des personnages. Il y a plus de dialogue. Fait que, peut-être que je l'aimerais plus. peut-être que tu l'aimerais plus. J'aime beaucoup A Better Tomorrow pour différentes raisons, pour ces raisons-là. Tandis que The Killers, il exploite plus son style de son style qu'il a commencé à développer avec justement la série A Better Tomorrow de Gunfight. Puis qui a voulu faire gros film d'action. Puis, en même temps, je suis un amoureux des films d'action. J'adore les films de gunfight. Puis, moi, plus qu'il y en a, plus que j'adore. Ben, je sais, t'as trippé sur The Raid. J'ai pas encore vu le 2, mais juste le premier, moi, je trouvais que c'était juste de l'action puis il n'y avait pas d'histoire, tu sais. C'est ça. C'est un film à l'histoire mince où que ça mise sur l'action. Puis, moi, j'ai pas de problème avec ça quand t'arrives à m'offrir un produit qui est rythmé, puis que tu arrives à faire de quoi être ta réalisation, puis que si ton histoire est simple, mais qu'au moins elle ait un fil conducteur efficace dans sa simplicité. Tu sais, The Raid, c'était un SWAT coincé dans un immeuble à plusieurs étages, il arrive différentes choses avec un crime de l'ordre, avec différents méchants. Puis, je dis, la prémisse est simple, mais super efficace, ça te garde en haleine sur toute la durée. Moi, quand je vois ça, puis là, je parle pas du 2, je parle encore juste du premier, j'ai juste envie de dire, ben, donnez-moi une manette, puis je vais jouer au jeu tant qu'à ça. c'est quasiment un... C'est à différents étages, puis tu montes les étages, puis tu te rends jusqu'au grand boss. T'sais. Oui, c'est construit comme un jeu vidéo. Moi, j'aime ça parce que je suis capable de voir un film d'action sans qu'il y ait forcément une histoire. Des fois, j'ai juste envie de m'éclater pendant 1h30 puis d'en prendre plein la gueule sans qu'il y ait trop de blabla. Fait que je suis capable d'en prendre quand je suis dans le mood pour ce genre de film-là. Puis, tu sais, The Raid 2, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Il y en a qui trouvaient qu'il y avait trop de blabla puis que c'était pas comme le premier, alors que justement, le réalisateur a voulu faire quelque chose de différent puis d'offrir un scénario beaucoup plus approfondi. Ce qui, je crois, devrait plus te plaire pour toi, alors que c'est ce que tu recherches. Peut-être. Puis je vais juste faire un petit parallèle pour que ceux qui me comprennent pas puis qui me trouvent vraiment con en ce moment, qui nous écoutent... Ben non! Ben, C'est comme moi, j'aime les comédies musicales. Puis je sais que le trois quarts du monde, dès qu'ils entendent une chanson qui commence dans un film, ils décrochent, tu sais. Puis, mais c'est ça, moi, c'est un peu le même feeling qu'il y a une scène qui a trop d'action, qui dure trop longtemps. Je vais finir par décrocher un moment donné parce que c'est comme, OK, là, recommencer à parler quelqu'un parce que ça commence à me taper ses nerfs, tu sais. Mais c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose, tu sais. Moi, s'il y a un film musical, puis la toune, elle commence, puis ça peut durer 10 minutes, je m'en fous, tu sais. Je vais l'écouter, puis ça va. C'est ça. Ben, c'est pareil pour moi, sauf que moi, c'est en termes de fight ou de gunfight. Tu sais, tu peux m'en foutre une qui va durer 15 minutes si, premièrement, il faut que la scène soit bonne, pareil, là. Mais je vais dire, je vais pas m'emmerder, je vais triper. Pour moi, les scènes de gunfight dans The Killers, c'est pour moi les scènes musicaux qui, pour toi, le sont dans tes films que t'adores. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. C'est juste ça, une question de goût, dans le fond. Je suis pas en train de vouloir insulter absolument ton film, puis j'y trouve des qualités quand même, là, tu sais, mais... Non, ben, de toute façon, regarde, moi, je veux que tu sois franc. On est pas là pour justifier, on est là pour donner notre opinion, puis... J'avais mis Zato Ichi, t'avais adoré, j'étais très content, t'as aimé. Fait que, tu sais, ça va arriver que je vais proposer des classiques que tu vas adorer ou tu vas rester perplexe ou même que tu vas peut-être détester à l'avenir. C'est le but, tu sais, j'apprends à te connaître, j'apprends à savoir tes goûts, puis je me dis, tu sais, pour quelqu'un qui est pas habitué avec le cinéma asiatique, je vais finir par empoigner certains qui vont te faire accrocher, puis à force de savoir les thèmes ou les trucs qui t'apprécies dans le film, ben je vais choisir, comment je pourrais dire, mieux. Fait que là, je teste plus en tant que tel, voir qu'est-ce qui te ferait triper. Puis vu que t'étais plus habitué au cinéma de John Woo américain, je me disais que The Killers, c'était le choix parfait parce que pour beaucoup, The Killers, c'est le premier film à faire découvrir à n'importe quel amateur de films d'action pour qu'il trippe. C'est un des films majeurs du cinéma asiatique qui est important de faire découvrir. Je crois que c'est un film parfait pour les novices. C'est super rythmé, tu t'emmerdes pas, t'as quand même des bons acteurs. Ouais. Je veux dire, tous les ingrédients sont là pour accrocher quelqu'un qui n'est pas habitué à ce cinéma-là, puis peut-être de pas tout de suite y aller avec un cinéma plus d'auteur, puis plus difficile d'accès, tu sais. Fait que The Killer est plus comment je pourrais dire, grand public pour ça. Puis, non, puis il y a plein d'affaires qui me popent en tête pendant que tu dis tout ça. Le pire, c'est que j'aime ça, les films qui se prennent pas au sérieux, puis qui... comment je dirais? Avec lesquels on peut s'éclater, mais d'une autre manière, en fait. Moi, c'est ça aussi mon problème avec The Killer, quand je l'ai fini, je me suis dit, c'est parce que ça se prend trop au sérieux. Tout est très sérieux, tout est très dramatique dans le film, puis il n'y a pas de moment où ce que je peux vraiment... où qu'on peut... rire ou on peut être... Non. C'est, tout est très, très sérieux. C'est comme des adolescents qui tombent en amour. Là, si deux adolescents tombent en amour et qu'ils se séparent, là, c'est la fin du monde. Là, dans ce film-là, tout est la fin du monde quasiment. Là, c'est parce que c'est vraiment... L'amitié, ça a tout le temps été le thème vraiment important. Puis ça, comme je dis, ça leur revient dans les films de John Woo. Puis c'est vraiment l'attrait principal. Puis c'est pour ça que c'est mis aussi gros qu'une amitié, c'est aussi pire qu'une peine d'amour. Puis je pense que c'est juste que John Woo... même dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui... L'amitié est quelque chose d'important. Et c'est ironique parce que A Better Tomorrow, ça a été le film qui a lié les deux acteurs, Chun Fat et John Woo, qui ont eu une grande carrière, une grande relation. C'était des grands amis. Et à un moment donné, il y a eu une grosse shit et ils sont devenus en chicane. Ils n'ont plus jamais voulu tourner de film ensemble. Ça a vraiment tout détruit. Puis ça reflète un peu qu'est-ce qu'on peut voir dans ces films. Puis ça s'est comme reproduit dans la réalité. Puis... moi, c'est peut-être quelque chose qui me tient à cœur. Je suis quelqu'un de très, très quétaine, de très sentimental. Tu sais, moi, avec 3, j'avais envie de pleurer à la fin, puis j'accroche au bout à l'amitié d'amour. Puis je pense que la manière qui décrit l'amitié dans The Killer, ben ça vient me chercher, puis je vivrais ce genre de relation-là aussi forte avec un ami, puis il y aurait une trahison, ces choses-là. Je pense que ça me ferait aussi mal que les personnages du film, puis même si c'est... over the top, puis montrer gros. Je pense que quand une peine d'amour nous arrive ou qu'une amitié est détruite, dans notre tête, c'est aussi gros, puis c'est la fin du monde. T'sais, c'est quelque chose d'irréaliste dans notre tête. Il y en a qui vont nous dire, gars, il y en a d'autres blondes, puis c'est pas la fin du monde. Mais dans notre tête, c'est la fin du monde, puis sur le coup, il n'y a plus rien d'autre qui compte, puis t'es juste comme. Des fois, t'étais comme, j'ai juste envie de mourir. Puis quand il arrivait de quoi de même aussi avec un de mes amis, mon meilleur ami, que j'étais ami avec lui depuis 17 ans et plus, j'ai déjà eu des grosses chicanes, puis je pensais que ça serait fini notre relation, puis c'était la fin du monde, puis pendant une semaine, je pouvais plus manger, j'avais plus le goût de rien, comme une relation amoureuse qui arriverait de quoi. Puis c'était gros, puis dans ma tête, c'était gros. Puis je trouve que l'univers de John Woo, ça reflète ce que ma vision que j'avais lors de ce que des moments que ça l'arrivait. Je pense que ça reflète le côté fin du monde que le monde ont lorsqu'on a une peine d'amour ou une relation d'amitié qui brise. Puis faut juste pas voir ça comme des films qui traitent de manière réaliste. Je pense que c'est vraiment juste de cette manière-là qu'il faut le voir. Ouais. c'est ça, moi j'avais dans les films que j'avais vu de lui avant, je me rappelle pas vraiment beaucoup de Hard Target. Par contre, je me rappelle d'avoir vu Broken Arrow au cinéma quand ça avait sorti. Mm-hmm. Puis bof, c'était moyen à l'époque, je trouvais ça vraiment moyen, je pense. Ah, c'est moyen. Pas été un gros succès, puis on n'était pas encore, c'était pas encore le retour de John Travolta avec Pulp Fiction. Fait, on était comme vraiment dans le plus creux de sa carrière là, tu sais, ouais. C'était juste après les De quoi je me mêle, tu sais. Puis Christian Slater, c'était comme, OK, son top était fini, là, tu sais, avec Pump Up the Volume, puis Cuffs, puis c'est bon, le film, c'était un peu fini. Mais Face Off, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Face Off est très bon, puis honnêtement, c'est facilement son meilleur film américain qu'il a fait, parce que, justement, ils ont pris... Tu sais, encore là, je pense que John Woo a tout le temps besoin de quoi qui est over the top. Tu sais, je veux dire, si tu regardes le synopsis de Face Off, c'est impossible, puis c'est over the top au max, là, deux personnes qui vont échanger le visage, puis ces choses-là. Non, ouais, ça fait aucun sens, puis je pense, entre les mains d'un autre réalisateur, ça aurait pu donner un esti de film cave, puis sans aucune temps. Mais John Woo arrive à faire de quoi avec sa caméra, puis à traiter des thèmes impossibles, à les rendre crédibles. Ben, crédible, façon de parler, à nous faire embarquer comme si c'était crédible dans le film. Puis encore là, il a ramené ses thèmes là-dedans, puis un peu moins présent, t'as quand même des thèmes d'amitié, mais qui va jouer des sens contraires. Puis t'as plein de trucs de même. Oui. Ça fait peut-être 16-17 ans que je l'ai vu le film. Je l'ai vu quand ça sortit à peu près en vidéo. Puis mais je me rappelle très très bien que j'adorais les scènes où ce que John Travolta, qui est dans le fond, c'était le personnage de Nicolas Cage, se retrouve avec sa fille. Puis tous les moments de tension qu'il y a l'autre, puis de oui. tension sexuelle qu'il y a dans ces moments-là, je trouvais ça. Puis tu sais, de voir John Travolta jouer le méchant à la Nicolas Cage, puis Nicolas Cage être prisonnier dans la prison, puis en sachant qu'il est le bon gars, j'adorais ça. J'adorais le switch du jeu des acteurs. Mm-hmm. Puis je pense que c'est un des seuls, à part Hard Target avec Jean-Claude Van Damme, qui a été malheureusement charcuté au montage. Je pense que c'est le Face-Off, c'est celui qui représente le mieux les gunfights qu'on pouvait voir dans le cinéma asiatique de John Woo. Là, t'as quand même des gunfights très réussis et impressionnants dans le film. Mais sinon, les autres films qu'il avait fait... Il avait fait un film de guerre aussi avec Nicolas Cage, Wind Talker, qui était pratiquement un reboot de Bullet in the Head, que je parlais justement. Ouais. Puis... Mission Impossible 2 aussi, que c'est vraiment du... T'écoutes Mission Impossible 2 pour les grosses scènes d'action vraiment hallucinantes que John Woo arrive à faire, mais sinon... Ça, c'est une série que je vais me taper éventuellement, ça, les Missions Impossibles. Ah, c'est du gros fun. Ça, c'est mes gros plaisirs, ça, les Missions Impossibles. Parce que là, je vois les trailers du 5, puis je suis comme, OK, ce serait peut-être le temps que je les vois, là. Ça a l'air le fun. C'est comme les Aliens. À chaque volet... T'as un réalisateur différent, puis chaque réalisateur apporte son style dans le film. Je trouve ça intéressant. Ils ont vraiment chacun leur propre style. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi tantôt? Ah oui, c'est ça, je suis parti à rire pendant que tu parlais, parce que j'ai pensé... J'ai pas ri à cause de ce que tu disais. Je me suis mis à penser à quelque chose. C'est que là, je l'ai écouté sur Netflix. Là. Puis là, à cause de toi, j'ai plein de recommandations d'autres films dans le genre. J'ai pas pris le temps de checker les titres, mais je peux pas te dire d'exemple, mais fie-toi pas toujours à ça, hein. Non, les recommandations de Netflix, ça propose n'importe quoi des fois là. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, mettons, qui nous écoutent puis qui seraient tentés de l'écouter, moi je recommande la version en cantonais sous-titrée. Moi c'est comme ça que je l'ai écouté sur Netflix aussi. Ils proposent la version doublée en anglais. Je l'ai regardé un petit bout, puis je trouvais ça trop encore plus over the top là, en anglais, fait que... Oh non, c'est sûr, je suis pas capable d'écouter un film d'ailleurs avec une traduction. J'ai pas écouté la version française encore, mais là, vous avez entendu tout à l'heure un extrait en français que j'ai pas fait attention vraiment encore. Je l'ai à la version française, j'en ai une copie, mais je l'ai pas écouté encore comme du monde. Mais c'est ça. Moi, je recommande la version originale comme n'importe quel autre film, de toute façon. Là. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est pas juste une question de films asiatiques. Là. Moi, ça serait des films mexicains, espagnols, italiens, peu importe. Je trouve que quand tu écoutes le film dans sa langue d'origine, ça l'apporte un plus. Ça l'apporte. Tu sais, c'est déjà une culture, c'est quelque chose de différent. Puis je crois que quand t'écoutes quelque chose de doublé, t'as juste l'impression que t'écoutes du monde parler d'une autre culture qui tente de s'intégrer dans cela. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis, mais ouais, ben, j'aime pas le mélange. On a parlé au mois de décembre du film Joyeux Noël. Il est dans trois ou quatre langues différentes, le film. Mais il existe une version française où ce que tout le monde parle en français dans le film. Un peu comme les Bastards aussi, Inglourious Basterds. Dans la version française, tout le monde parle en français, tandis que dans le film en anglais, ben, original, t'as du français, t'as de l'allemand, puis t'as de l'anglais, tu sais. Ah non, je serais pas capable. De toute façon, ça fait aucun sens, ça brise tout du film. Tu sais, quand il est supposé parler allemand, qu'est-ce qu'ils disent en français, puis c'est comme... Mais tout le début du film, la première, l'intro, parce que justement, tu sais, on m'en est, ils switchent de langue, puis c'est ça la joke, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pour parler des films où ce que tout le monde, où ce que les gens de d'origine qui sont pas anglophones se mettent tout le temps dans les films à parler en anglais automatiquement. T'sais. La joke, c'était ça, c'était pour rire de ça. T'sais. Ben, c'est ça. T'sais, on en parlait sur l'autre podcast d'Eurogamer, la prequel de The Thing. T'sais, c'est supposé se passer avec les Norvégiens, mais ils parlent tout anglais. Ouais, c'est ça. T'sais, ils essaient de justifier ça, mais même là, ça marche pas. Dans ma tête, c'est comme c'est supposé être tous des Norvégiens. Vous auriez pu. Je vis dans une ville anglophone en Ontario. Moi et ma blonde, on se parle en français, là. T'sais, on se parle pas en anglais parce qu'on vit dans une ville anglophone, là. Non, c'est ça. C'est que c'est ça, c'est pas logique. Mais ouais, tout ça pour dire que version originale, si vous l'avez pas vu, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent l'ont probablement déjà vu. Comme tu dis, c'est un grand classique. Et je le reconnais, comme je dis, je veux pas offenser personne, mais c'était juste mon opinion. Puis moi, vous me connaissez maintenant. C'est pas tant ma tasse de thé, ce genre de film-là. Mais un jour, j'y redonnerai encore une autre chance, peut-être. Sinon, on avait-tu fait le tour, selon toi? Moi, ben en fait, je pourrais tellement en dire. Tu peux continuer aussi, y a pas de problème. Non, ben, non, je veux pas non plus. La plupart du monde qui nous écoute vont sûrement déjà l'avoir écouté. Puis on a déjà dit une grosse partie du film. Moi, je le recommande vraiment, surtout si vous n'êtes pas habitué au cinéma asiatique. Comme je disais, je pense que c'est un film parfait pour vous introduire. Pour moi, c'est un putain de chef-d'œuvre. Je trouve que le film n'a pas pris une ride, malgré les trucs qu'il peut faire très années 80. Je passe par-dessus, puis je vois juste tout ce qui est le travail qui a été fait de réalisation, d'acting. Chun Fa, je le trouve vraiment écœurant là-dedans. Il y a vraiment des scènes poignantes. J'adore la musique, j'adore le montage. Il n'y a pratiquement rien que j'aime pas. Puis à chaque fois que je réécoute The Killers, je vois tout le temps quelque chose de nouveau. Je découvre tout le temps quelque chose que j'avais moins remarqué, parce qu'il y a tout le temps une panoplie d'idées. Puis c'est pas un film aussi simple qu'on pourrait le reconnaître. Puis je peux comprendre peut-être qu'un premier visionnement, on va juste se concentrer sur les scènes d'action, puis qu'on va se dire que l'histoire est mince. Mais je crois que à force de revoir ce film-là, on peut chercher plus profond, puis y voir beaucoup plus de travail que juste un gros film d'action d'1 heure 50 ou qui savait juste tirer. Parce que The Killer, pour moi, c'est pas ça. Hardball a plus ce statut-là de gros film d'action qui tient non-stop, là, puis j'y enlève à rien, là, j'adore Outboard, mais quand j'ai envie d'un film d'action qui m'offre plus, qui m'offre un peu plus d'émotion, ben j'y vais plus pour The Killers. Ben c'est un deal, ben c'est pas un deal, on n'a pas de deal, mais je vais le revoir, éventuellement, c'est promis. Mais tu vois, on a parlé l'année passée de Lone Wolf and Cub, puis je trouve que ça je trouve que Lone Wolf and Cub a mieux vieilli, parce que je suis pas capable d'y mettre une date nécessairement. T'sais, je le verrai la première fois, je suis pas capable de dire en quelle époque ça a été fait, parce que je trouve que ça a super bien vieilli, puis les effets spéciaux sont super bons, puis tout, puis les scènes d'action, puis l'histoire, tout est bien intégré, puis là, on parle pas du même genre exactement de film. Là, mais, ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'avec les Chambora, ils sont tout le temps faits à peu près dans le même style d'univers, où ça semble dans une vieille époque intemporel, qu'on pourrait pas dire c'est à quelle époque, mais c'est une vieille époque. Puis tu regardes un Chambara tourné dans les années d'aujourd'hui, tu regardes Zatoichi, justement, que je t'ai fait écouter, ouais, qui a été tourné en 2003. Tu sais, c'est les mêmes genres de décors que, justement, Lone Wolf and Cub. Fait que je crois que c'est un des genres qui peut le plus facilement passer le temps, parce que... La seule chose qui marquait son époque avec Zatoichi, c'est les effets spéciaux, c'était le sang. Oui, exactement. Ça, c'était trop évident que c'était au début des années 2000 avec du mauvais CGI, tu sais. Mais ça, c'était vraiment un choix libéré du réalisateur. C'est vrai que The Killer, t'as pas le choix, ça se passe dans le présent, fait que t'es pogné avec les chars de l'époque, puis les coupes de cheveux. Ben, pas les coupes de cheveux nécessairement dans ce film-là, il y a pas tant de choses qui jurent, mais comme tu disais tantôt, les vêtements, puis La musique, elle, moi, la musique, en tout cas, elle a un style vraiment années 80, je trouve, là. Mais, tu sais, quelqu'un pourrait me dire, « Hey, toi, t'aimes ça, Twin Peaks, puis la musique, c'est juste du synthétiseur, puis c'est super cheesy. » Je pensais à ça, je me disais, j'essaie de trouver une musique qui faisait penser à ça, puis que j'aimais, tu sais, puis Twin Peaks, ça ressemble un peu à ça. Mais mais Twin Peaks, je pourrais sortir l'argument que c'est... Toute la série est une parodie de soap, anyway. C'est voulu comme ça. Ouais. La musique est une parodie de soap américain. Ce que je trouvais pas dans The Killer, je trouvais que tout était pris au sérieux, puis la musique mettait l'emphase là-dessus. Puis moi, j'ai vraiment focusé sur le synthétiseur. Parce que, comme tu dis, il y a peut-être d'autres instruments que j'ai pas fait attention, mais moi, j'ai vraiment focusé là-dessus. Puis je trouvais que c'était vraiment trop. Il en mettait trop. La sauce était vraiment épaisse. Là. C'était comme, OK, arrête un moment donné. Là. Mais OK, mais je vais arrêter de dire du négatif de ah non, c'est correct, puis... c'est correct. Ça m'offense pas. Moi, je trouve ça intéressant de voir une opinion différente. Tu vas pas en train de faire du rocking, en train de pleurer dans ton coin à soir. Tu sais, il aime pas mon film. Écoute, gars, c'est pour n'importe quel film. Je veux dire, les classiques, il y a plein de monde qui adore, puis qui vénère un chef-d'œuvre, puis t'en as qui vont moins accrocher, qui vont moins apprécier, puis c'est normal. Je veux dire, tu sais, c'est un film que t'as vu tard, puis que je peux comprendre. Des fois, on peut se créer des attentes avec un classique. Tu sais, moi, il y a des classiques que j'ai vus vraiment plus tard, que j'aurais dû voir en même temps que Massacre à la tronçonneuse, puis Halloween, tous ces classiques-là, mais que j'ai vu trop tard, puis que lorsque j'ai vu, j'ai été déçu, puisque le buzz est gros. Ben, puis on se fait une image, puis ça fait tout le temps ça. Mais ouais. Je crois que c'est le genre de film qu'avec du recul, des fois, on finit par apprécier. Je me rappelle Marc-Antoine La Bonté, puis il essaie de s'en cacher, mais moi, je l'oublie pas. La première fois qu'il a vu Texas Chainsaw Massacre, il a trouvé que c'était overrated en maudit. Il a vraiment... il comprenait pratiquement pas, puis maintenant, il voit vraiment comme un chef-d'œuvre à force de l'avoir revu. Fait que, je pense que le boss veut pas, ça nuit quand on voit un film beaucoup plus tard. Mais c'est ça, comme tu dis, lui, à force de l'avoir revu, ben c'est ça. Moi, à force de un jour de le revoir, puis en sachant maintenant à quoi m'attendre, je vais peut-être plus focusser sur les bonnes affaires que... Je dis pas que tu vas plus apprécier la musique. Non, mais tu sais, je vais arrêter de focusser sur ce qui me dérange. Là, je vais le mettre de côté dans ma tête, puis je vais dire, OK, là, ça je sais que ce qui me dérange dans le film. Là, maintenant, focussons sur ce qui... sur le reste, sur ce qui se posait, sur ce qui est bon, tu sais. Tu sais, à ton exemple, je ferais juste te mettre la scène d'assassinat en bateau du politicien. Oui. Toute cette scène-là, là, tu le mettrais juste sur mute, là, et aucun son, puis tu fais juste analyser le montage puis la réalisation. Mais je l'ai bien aimé, cette scène-là, quand même. La seule chose que je trouvais bizarre, c'est que personne n'ait entendu le coup de feu. En même temps, il y avait de la musique puis tout, là, je comprends, mais je trouvais ça étrange. Ouais, je pense en fait ça misait un peu avec la musique puis la distance là, en tant que ouais, tel. Ouais, la distance aussi, ouais. Parce qu'il y avait quand même une grosse carabine qui devait faire quand même du bruit, là. Mais je suis pas assez expert en armes, par moi contre. Moi non plus. ils ont fait à croire qu'il s'était évanoui puis tout, mais... Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, il est bien placé pour se débarrasser d'armes. Je pense que t'as pas de meilleur moyen que juste crisser l'arme dans le fieuvre. Non, mais c'était une scène intéressante, ça, je trouvais ça le fun, oui. Sinon... Ben c'est ça, je pense qu'on a... Je pense qu'on a fait le tour, parce que comme je te dis, moi je pourrais parler de toutes les scènes, parce que je trouve qu'il n'y a pas une scène d'inutile dans le film. Je trouve qu'ils servent toutes à quelque chose, puis ils ont toutes de quoi d'intéressant à analyser, puis je pourrais passer des heures à parler de The Killer. Bon, puis si vous avez des commentaires, puis si vous voulez me blaster parce que j'ai pas aimé ça, pas parce que j'ai pas aimé ça, parce que j'ai trouvé ça un peu cheesy puis tout, ben dites-le, ça me dérange pas, t'sais. Si vous dites, moi j'écouterai plus jamais le podcast, mais allez-y. Gars, écoute, je suis sûr qu'il y en a qui écoutent le podcast puis qui ont pensé la même chose que toi, puis je peux même pas reprocher le côté cheesy, parce que même à l'époque, quand le film est sorti, il y a pas eu des super bonnes reviews, puis il y en a qui reprochaient bien des choses au film, un côté peut-être cheesy, je suis plus trop ça certain. Ça me fait penser un peu, c'est justement ça, je vais aller dans deux petites secondes le retrouver sur Wikipédia. Un gars du New York Times qui a dit « À la fois gripping, ça veut dire accrocheur, et laughable, risible. Mm-hmm. » Tu sais, il avait reçu beaucoup de critiques de même, puis c'est un film qu'avec les années, finalement, tu sais, maintenant, tu te promènes, puis sur pratiquement tous les sites, c'est des 5 sur 5 ou des 4.5, là, puis c'est vraiment vénéré, là, fait que, tu sais... Puis dans ceux qui ont influencé, que j'ai oublié de nommer, il y a Rodriguez aussi, El Mariachi Desperado, c'était deux films inspirés de Killer aussi. Ouais. Ben, en fait, il y a tellement de monde qui ont été inspirés par John Woo, puis juste à Hong Kong, quand A Better Tomorrow, le syndicat du crime, est sorti, ça l'a amené une nouvelle vague. John Woo a vraiment révolutionné le film de gangster là-bas, et que ça l'a engendré ça, puis tout le monde a commencé à faire ça, puis ça l'a juste comme... Tu sais, pas du copier, mais quand quelqu'un apporte un vent de nouveau, puis que ça devient une mode, tu sais, un peu comme le fan footage quand Paranormal Activity a comme ramené ça, parce que ça l'a amené de quoi de nouveau, ben ça a comme parti une vague. Fait que John Woo, ça a comme fait ça. À chacun de ses films, c'était une nouvelle vague qui décollait, puis tout le monde a fini par s'inspirer. Puis parce que John Woo, c'est un réalisateur de génie. Puis, tu as entendu dire des trucs sur le supposé remake, parce que sur Wikipédia, il en parle d'un remake qui est supposé s'en venir. Pour moi, il existe déjà un remake. Ça s'appelle The Replacement Killer, qui est avec Chan Yun Fat. C'est réalisé par Antoine Fuqua. Puis c'est avec Mina Sorvino, si je me trompe pas. C'est pas 100% la même histoire de The Killer, mais tu sais, c'est encore avec Chan Yun Fat en tueur, puis qui va se faire trahir, puis ces choses-là. Fait que tu vois les similitudes, puis c'est un genre de pseudo-reboot, si on veut, mais bof. Là. En même temps, c'était une manière de faire connaître Chan Yun Fat aux Américains. Là. OK. Parce que The Killer, selon eux autres, ils disaient que ça serait réalisé par John H. Lee. Ça serait en anglais complètement. Ça se passerait à Los Angeles, dans le Koreatown de Los Angeles, le Chinatown puis le South Central. Ça serait produit par John Woo, puis ça mettrait en vedette Jung Woo-sung. Ah, OK. Puis ça serait filmé en 3D. Puis ça, ces nouvelles-là datent de septembre 2014. Je pense. Ou dans ce coup, 2011, en fait. OK, là, c'est beau, excusez. 2011. Demain. Ça a peut-être tombé à l'eau. Aussi. Peut-être, ouais, c'est ça. C'est trop vieux. ouais. Fait que non, c'est ça. Ok, ben, on a fait le tour, je pense. Ouais. Ok. Fait qu'on y va en musique avec la chanson qui joue dans The Killer, chantée par l'actrice Sally Ye. Si je ne me trompe pas, le titre de la chanson, c'est Title Song. Je le dis peut-être mal, mais c'est le thème de The Killer, en fait. Fait qu'on écoute ça et on revient tout de suite avec notre discussion sur Dragon Ball Evolution. Thank you. peace and love. Ye tin, ye tin, tin zai guo ye san. Eh bien, nous revoici pour notre spécial Chayun Fat avec le Nanar Navet. Et là, c'est pas une surprise, vous avez vu la couverture, vous avez vu le titre, vous savez c'est quoi, fait que je peux pas m'amuser à jouer avec le suspense. C'est Dragon Ball Evolution, c'est réalisé par James Wong. Je sais pas si c'était au début du film, au début de l'épisode que je l'ai mentionné, mais c'est le réalisateur de Destination Ultima 2, 1, 3. Et ça met en vedette Chayun Fat, Justin Chatwin, James Master, puis une couple d'acteurs que je suis pas certain de connaître non plus. Amy Rossum, très connue, cette fille-là, en fait, a joué dans plusieurs films, puis elle joue dans la série Shameless aussi. Puis, ah, pour vrai? Qui d'autre aussi? Ernie Hudson, un petit rôle, mais c'est le noir dans Ghostbusters. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. C'est ça. Je vais le mentionner aussi, c'est produit par Stephen Shaw. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ça, mais Stephen Chow, son statut, je vous dirais, c'est le Jim Carrey asiatique. C'est un gros comique qui a fait des gros classiques du cinéma asiatique d'humour qui sont très connus ici, entre autres Shaolin Soccer et Kung Fu Hustle. Et quand j'ai vu qu'il était producteur de ça, je me dis, c'est clair qu'il a donné son cash, puis qu'il a crissé son camp, puis j'ai rien regardé, là. Vraiment, qu'est-ce qu'il fait là, Stéphane Chow? Je comprends pas qu'il ait été producteur. Puis là, je suis pas en train de vendre mon opinion, c'est juste que je vois pas le lien entre Stéphane Chow puis Dragon Ball. J'ai vraiment de la misère à voir ça. Mais en tout cas, ça m'avait très surpris lors de son générique. Revenons au synopsis. Dragon Ball, dans les temps anciens, la Terre a failli être détruite par des forces maléfiques. Pour s'en prémunir, sept sages créent les boules de cristal, les Dragon Ball. Décidés à prendre leur revanche, les forces du mal sont désormais de retour et un seul guerrier d'exception est capable d'empêcher le pire. Le jeune Sangoku va alors découvrir le jour de ses 18 ans que son destin est très loin de ce qu'il avait imaginé. Après la mort accidentelle de son grand-père, il rencontre le maître Roshi, un expert en arts martiaux qui lui révélera le secret et le pouvoir des Dragon Ball. Sangoku se retrouve alors investi d'une mission cruciale, retrouver toutes les boules de cristal avant son ennemi le plus cruel, Piccolo. Il se lancera dans une course effrénée aux côtés de Bulma, une scientifique brillante, Yamcha, un bandit du désert, et Chi-Chi, pour qui son cœur bat. Pour Sangoku, cette quête des Dragon Ball pourrait bien aussi être celle de son identité. Le synopsis a plus de contenu que le film! On va écouter un extrait du film et on revient tout de suite. Je vais chercher des secours. Non, non, reste près de moi. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je te demande pardon, j'aurais pas dû te laisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Piccolo est de retour. Il veut la boule de cristal. Elle est en lieu sûr. Oui. C'est le début. Va trouver Maître Roshi à Paozu. Dis-lui bien que Piccolo est revenu. Le seul moyen de bannir Piccolo de notre monde, c'est de trouver les autres Dragon Ball. Rassemble-les avant l'éclipse. Quoi? Cette Dragon Ball a trouvé pour sceller le sort de toute l'humanité. Ah non, ça suffit, grand-père. Il faut te reposer, il faut te reposer. Goku, n'oublie pas. Garde toujours la foi en ce que tu es. Dragon Ball, je vais tout de suite briser la glace en disant que je ne suis pas un connaisseur de Dragon Ball. J'ai vu aucun des animes. Quand j'étais jeune au primaire, tous les élèves de ma classe avaient les livres, évidemment, les livres à images que ça prenait une demi-heure puis tu avais fini le livre de Dragon Ball. J'en regardais, ça m'intéressait, mais j'ai pas accordé beaucoup d'importance. Les jouets, j'ai trouvé cool. Le personnage principal, j'aimais son apparence. Puis il y avait tout pour m'attirer, mais j'ai jamais pris la peine de vraiment lire tous les livres ou de regarder la fameuse série animée. Fait que je vous le dis tout de suite, je ne vais pas comparer le produit d'origine au film. Puis de toute manière, ça a l'air qu'il n'y a pratiquement rien qui se ressemble. Puis qu'à part le titre Dragon Ball, ben, il n'y a aucun lien. Puis juste pour dire que moi non plus, j'avais pas de... je connaissais pas du tout Dragon Ball. Puis on a 10 ans de différence, toi. Puis moi, je pense que l'autre fois, tu as fait le saut quand tu l'as appris. Mais, 10 ans de différence. Mais moi, dans ma tête, j'étais un petit peu plus vieux donc. Puis dans ma tête. Dragon Ball, dans les années 90, c'était un peu mis dans le coin de mon cerveau avec les Pokémon, puis c'était comme c'était pareil dans ma tête. Ouais, évidemment. C'est comme ça va tout ensemble, puis c'est pour les flots, puis c'est pas pour moi. Fait que c'est ça, Dragon Ball, c'était ça mon expérience avec ça. J'avais pas... Ce film-là m'était passé sous le nez totalement, me rappelle pas du tout que c'était sorti. En fait, je veux commencer par dire justement, pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, puis qui vont écouter ça, je vois pas pourquoi vous voudriez écouter ça de toute manière, mais... C'est pas une bonne manière de te faire découvrir ça parce que les réalisateurs et les scénaristes prennent pas en considération qu'il va y avoir un gros public qui vont aller voir ce film-là. En tout cas, il me semble qu'il y a eu un gros public qui connaissent peut-être pas Dragon Ball, qui n'ont jamais vu Dragon Ball, puis c'est une manière de les initier, de faire découvrir ça, de montrer c'est quoi cet univers-là, les personnages, c'est quoi les boules de Dragon Ball. Puis c'est tellement fait de manière maladroite que j'ai pas l'impression d'avoir découvert quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était tellement brouillon que j'étais perdu à plusieurs reprises. Puis je trouve que, crime, quand tu fais une adaptation de même, la première chose à faire, c'est justement avec le premier film, ben de montrer les origines, de te faire découvrir l'univers, puis la genèse, puis tout ça. Puis moi, j'étais juste perdu, honnêtement. Malgré sa simplicité du film, une chance que le synopsis est là en détail pour venir mettre un petit peu de clarté là-dedans, parce que je n'étais pas certain des Bad Dragon Ball, c'est quoi, ça sert à quoi, puis pourquoi c'est là, là. Exactement ce que j'ai dit à The Killer tantôt. Une chance que le synopsis est là. Puis là, tu vas m'haïr, là, parce que moi, là, sérieusement, j'ai eu du fun. Ben, attends, j'ai rien dit encore, moi. Là. OK. Mais juste pour dire ça, ouais, j'ai eu du fun. Ben crime, tant mieux si tu m'en veux pas, parce que je me disais ça y est, je viens de faire découvrir le pic Albert à Dieppe. J'ai fait découvrir ma version de Swamp Country. Non, pas encore. Ben écoute, en même temps, le film dure 1h15 si je me trompe pas. Ben il est vraiment pas long. Ça dit 1h30, mais j'ai vraiment checké et ça dure 1h15. Je vais y donner ça. Ça passe vite. Ça passe vite, c'est rythmé. Dans un sens, je me suis pas emmerdé, mais je me suis emmerdé. C'est compliqué à dire, mais je me suis pas emmerdé parce que c'était rythmé, mais je me suis emmerdé parce que c'était pas bon. Fait que c'est ça qui arrive. Mais par où commencer, Jungle Ball? Tu voulais-tu y aller avec de quoi? Non, rien en particulier. Ben, tu peux commencer peut-être avec le personnage principal, celui qu'on voit tout le long. Puis, en fait, je sais par quoi je vais commencer. Notre ami Jean-Philippe Vandal-Labrec nous avait écrit un petit commentaire là-dessus aussi pour... Puis il parle justement de l'acteur principal. Il disait que Dragon Ball, il disait que dire. C'est un génialissime nanar à gros budget. Piccolo, le méchant, est absent le trois quarts du film. Et l'acteur qui incarne Goku est mauvais, en majuscule. Vraiment très mauvais. Ce que j'ai pas vraiment pensé, moi je trouvais plutôt qu'il était sympathique. Mais tu sais, quand je dis sympathique, en général, c'est juste pour dire qu'il est pas super bon, mais je l'ai pas haï. Fait que... Ouais, non, ça. Moi, j'ai pas eu de misère à le suivre, le personnage principal. Puis j'étais un gros fan, ben un gros fan, un fan de Amy Rossum, surtout parce que je l'ai vu dans Le Fantôme de l'Opéra, puis c'est un film que j'aime beaucoup, le film de Schumacher. Puis Amy Rossum est vraiment très cute en général, puis je la trouve encore cute dans Dragon Ball. Puis c'est ça, non, mais tu parles de l'histoire, moi j'ai pas trop eu de misère à suivre dans cette version-là, je sais pas que c'est quoi exactement l'histoire dans les animes, dans les livres, puis tout ça, puis j'ai pas eu de misère à suivre cette histoire-là en particulier. C'était quand même assez clair pour moi dans ma tête. Puis ça, c'est une grosse affaire que tu mets un peu ton cerveau à off, puis tu regardes, puis ça dure 1h15, 1h20, puis c'est vite passé, là. Ça a l'air d'un gros... Pas d'un gros dessin animé, justement, mais t'sais, les couleurs très, très vives, là, t'sais, c'était très chaleureux, puis beaucoup de jaune, orange, puis tout ça, c'était... Il y a vraiment un traitement de la couleur, puis tout le monde est... On dirait qu'il y a 50 spots à peu près sur tout le monde, là, sur chaque personnage, parce que ils sont éclairés de partout, puis ils sont resplendissants, en fait, ils sont incandescents, puis ils sont... c'est comme... C'est, je sais pas, c'était de ma version que j'ai vue, là, mais c'était... Non, ben, Ils essayaient de faire en sorte que tu t'oublies pas que t'es dans un live action. Ça donne un peu le genre d'image, t'sais, très colorée, très bonbon de mettons d'un film comme Les Sentinelles de l'air, l'adaptation qu'il avait faite en 2003, ou j'imagine Speed Racer que j'ai pas vu, mais je me rappelle des images que j'avais vues dans le trailer qui étaient très colorées aussi. T'sais, c'est un genre de film-là qui est très, très coloré, je trouve. Oui, vous avez bien entendu, il y a un lien entre Les Sentinelles de l'air et Dragon Ball Evolution. Puis, ça, vas-y. Ben, écoute, pas que j'ai eu de la misère à comprendre l'histoire. Tu sais, le principal Hitler, il te le fout d'en face. Faut retrouver les bouts de Dragon Ball sont éparpillés, faut les retrouver avant Piccolo. C'est ça. C'est simple, c'est ça. Mais j'ai trouvé que c'était brouillon dans tout. J'essaie de comprendre pareil l'intérêt de toutes ces choses-là. J'essaie de comprendre l'intérêt des personnages, j'essaie de savoir pourquoi Piccolo voulait vraiment ça. Mais le pire dans le film, puis je pense que c'est le plus gros défaut qui m'a agacé, c'est son univers dans le film. Je ne vais pas intégrer ça avec les animes. Il est vraiment... j'ai pas compris cet univers-là. C'est vraiment un univers brouillon. Je ne sais pas si j'étais dans un film futuriste, apocalyptique, désertique, ou justement dans un film futuriste, normal, qui va pareil à l'école, avec de la technologie style... quatre roues qui se transforment en télécommande ou je sais pas trop, c'est vraiment pas clair. Puis ça, par moment, je trouvais que on dirait qu'on changeait d'univers à chaque 10 minutes, puis c'est vraiment instable. Ça, je te l'avoue, au début du film, je pensais que ce serait un high school movie, parce que ça avait l'air de ça, avec le gars qui se fait battre puis tout, puis qui se fait écœurer, je veux dire, par la gang de gars cool, puis qui se trouve une blonde, puis à un moment donné, ça change complètement de style là. Puis, je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça... Puis, c'est qui la fille au secondaire qui a une maison comme ça, que ses parents ont une maison comme ça, là, tu sais? Elle dit, j'ai un parti, viens chez nous, puis... Ouais. C'est comme... C'est pas une maison, ça. C'est pas une maison, c'est un château, là. C'est un château, c'est, littéralement. C'est wow, OK. Moi aussi, qu'est-ce qui me verrait, c'est que... En fait, l'autre, quand il disait qu'il trouvait l'acteur vraiment mauvais, puis que toi, tu disais qu'il était sympathique, je pense que c'est en termes de performance de Sangoku. Tu sais, veux pas, il joue un personnage important, puis dans l'esprit des fans, j'imagine qu'il doit juste mal le jouer, puis que c'est pas lui. Parce que comme toi, il est pas bon, mais il me faisait pas chier, si on peut dire, à l'écran. Tu sais, c'est comme, il est là, puis c'est correct, c'est pas la fin du monde. Il a l'air en plastique, là, tu sais, mais c'est correct. Là. Il a l'air en plastique, puis... Ça fit avec le film. J'haïs ça quand un film tente de recréer, admettons, un comic, une bande dessinée, puis que dans la bande dessinée, ils ont des cheveux vraiment uniques, puis qu'ils essaient de le refaire en film. Essayez pas. À chaque fois que j'ai vu ça dans une adaptation, ça a l'air fake. Ça, c'est une grosse perruque. Puis là-dedans, ils essaient vraiment de mettre les cheveux en pic pour qu'il y ait vraiment... Je sais pas si tu as vu les photos de l'anime, là, mais pour vraiment qu'il y ait la même coupe que le personnage. J'ai pensé que c'était ça. Puis tu sais, la fois qu'il essaie de se mettre du gel dans les cheveux puis ça revient dans les airs, c'est comme... OK, il essaie vraiment de forcer l'aspect comique, là, tu sais. L'aspect anime du personnage, tu sais. Puis ils veulent vraiment pas qu'à aucun moment, il ait les cheveux autrement, tu sais. Mais je veux juste... Mon premier point, en fait, j'aurais dû commencer le segment sur Dragon Ball en disant une chose, là, c'est que ça part mal un film que le méchant s'appelle Piccolo. Je m'excuse, là, mais Piccolo, là, c'était un personnage joué par Paul Buscino des années 60 dans une émission pour les flots, là, mais Piccolo, c'est pas un nom de méchant. Ouais, ben, il s'est toujours fait appeler Piccolo là-dessus. Moi, je peux pas rien dire d'autre, mais j'avoue que Piccolo... Moi, c'est drôle, ça me fait juste penser automatiquement à Picasso. Mais c'est Piccolo, juste c'est, là, un, en fait. C'est un instrument de musique, en fait. Mais c'est le nom aussi, comme je disais, d'un bonhomme joué par Paul Buscino, mais c'est... je comprends aussi, c'est un anime. C'est pour les enfants, là, t'sais, c'est pour les jeunes. C'est pas sérieux, c'est pas... Mais Piccolo, c'est pas menaçant pantoute, là. Non, vraiment. Puis c'est ça aussi, le problème, c'est que le film manque un bon méchant. Parce que Piccolo n'est pas un bon méchant. Malgré son nom, là, il est jamais là. Il est jamais là, puis c'est pas un bon méchant. Même dans les scènes de fin, je m'en fous totalement de ce gars-là. Ben, en fait, tu te fous de tout. Même quand ils réussissent par avoir toutes les boules, puis que finalement, dans le fond, quand ils réussissent à avoir toutes les boules, ils peuvent exaucer un souhait. Après ça, les boules vont de nouveau être éparpillé, puis il faut qu'il retourne rechercher les boules. Ça n'a aucun sens, aucun but. Je veux dire, c'est ça la série pour de vrai. En tout cas, s'il y en a qui connaissent la BD vraiment par cœur, est-ce que c'est ça le but, de retrouver les boules, faire un souhait? retrouver des boules, faire un souhait. J'ai aucune idée. J'ai juste aimé l'aventure, ce qui arrivait un peu au personnage, puis le genre de des petits dialogues qu'il y avait entre eux autres. Mais encore là, c'est pas super intelligent. C'est tout ce que je trouvais ça sympathique. T'sais. Encore là, j'en reviens que c'est un mot-là, mais c'est ça. C'est sympathique. Même Chayun Fat qui a l'air en mode automatique, puis je suis venu chercher mon chèque d'impôt pour mon chèque de paye pour payer ma nouvelle voiture. Il a quand même l'air... Ben, je l'ai trouvé le fun. Pas qu'il a l'air d'avoir du fun, mais par moments, je trouvais que... Je l'ai trouvé le fun. J'étais content de le voir. Puis j'étais un peu étonné qu'il y ait un petit peu de perversion parce qu'apparemment, il joue le personnage de la tortue. Puis ça, je le sais, dans les animes, c'est un personnage très, très pervers. Là. Vraiment, t'as des jokes de cul puis des trucs qui est loin d'être pour les enfants, en fait. Puis je me demandais... Je pensais que ça avait été totalement enlevé du film. Il y a quand même... deux petites scènes légères, là. C'est rien de scandaleux. Mais tu sais, j'étais déjà surpris qu'il en avait gardé un petit peu pour le film. Là. Mais il y a vraiment... Il y a un acteur qui est vraiment sous-utilisé puis son personnage aurait pu être enlevé totalement. C'est Ernie Hudson, comme disait le gars de Ghostbusters. Ouais. J'ai pas compris à quoi il servait dans le film. Il vit dans un temple. Il lui donne quelque chose, à un moment donné, une genre de d'urne qui est supposée servir à quelque chose, mais finalement, elle sert à rien. Pis c'est ça, tu sais, je trouve que il aurait pu ne pas être là pantoute, puis ça n'aurait rien changé. Puis tu sais, tu parlais des flashbacks dans The Killer. Oui. C'est plus ou moins des flashbacks, là, mais moi, les flashbacks morales, j'ai bien de la misère avec là-dedans. Puis tu sais, son grand-père ou son oncle meurt au début du film, son grand-père. Puis il y a des scènes de rêve, de genre de flash avec son grand-père qui est là juste pour lui donner la morale. Puis tu sais, je trouve ça tellement quétaine qu'il y a un héros, mettons, est poche, où il n'est pas capable de battre un méchant, puis que là, sur un instant, il va voir en fantasme ou peu importe son grand-père, qui va juste lui dire « Crois en toi. » Ok, ouais, c'est juste ça qui me manquait pour être assez fort. « Crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. » Et là, il développe ses super capacités. Puis tu sais, c'est quétaine. En fait, il est mort, quétaine. Je pense, à un moment donné. C'est ça, il est comme mort pendant quelques secondes, puis c'est là qu'il voit son grand-père, puis son grand-père dit « C'est pas encore le moment pour toi de venir ici, tu sais. » Mais il le revoit encore en rêve, mais sans moi. Ouais, c'est avant, possible, il fait un rêve ou quelque chose de même. Mais... Moi, je te dirais, c'est une ride, tu sais, ça s'écoute. C'est comme... Le film se veut comme une grosse aventure, que tu es là pour avoir du fun. J'ai pas envie de le défendre, ce film-là, puis j'ai pas envie de dire que j'ai. J'ai pas envie de dire que j'ai été diverti, mais j'ai pas haï ça tant que ça. Tu sais, j'ai passé un heure et quart. Agréable dans un sens que j'ai vu d'autres films que j'ai trouvé ça plus pénible, puis que oui, c'est mauvais, oui, c'est cheesy, mais Chris, ça passait comme une lettre à la poste. Là. Swamp Country, c'était plus. Oui, c'était vraiment plus pénible, même s'il y avait des bouts plus drôles. Corvette Summer, c'était plus pénible. Mm-hmm. Puis c'est ça que je reproche aussi à Dragon Ball. Je peux pas dire que c'est 100% un anor parce que j'ai pas ri tant que ça. C'est pas du so bad, is good. Non. C'est vraiment une ligne juste bien normale pour moi d'une aventure qui est juste mal, qui a été mal faite par une équipe incompétente, peut-être. Je sais pas à qui la faute qu'il faudrait dire ça, mais. Tu vois qu'il essayait de starter une franchise avec des personnages qui seraient revenus d'un film à l'autre. Puis dans le générique aussi, à la fin, tu as une petite scène qui laisse présager quelque chose pour la suite. Ouais, je voulais en parler, scène générique, là, mais. Ouais. C'est du très mauvais scène de c'est de, du très de mauvais Marvel. C'est ça, exactement. Très mauvais Marvel. Je me suis dit la même chose. Mais, tu sais, je veux dire, comment tu peux croire qu'il y a un gros potentiel à faire une série, car oui, en faisant une bonne adaptation de Dragon Ball, j'imagine que tu peux faire une série de films très, très épique et intéressant. Mais là, c'est un film botché, c'est mal écrit. Puis même les effets spéciaux, je sais pas c'est quoi le budget du film, j'ai pas vérifié. Ah, c'était un peu, c'était 50... Non, t'as peu, 30 millions. 30 millions? Ben ok, c'est quand même un petit budget pour un blockbuster. Mettons, j'appellerais même pas ça un blockbuster, mais je veux dire, le CGI est de très mauvaise qualité. Puis tu sais, c'est un film de 2009, c'est pas si vieux. Puis le CGI fait vraiment dur par moment. Puis je pense notamment à la transformation de Son Goku en genre de loup-garou. Puis c'est vraiment raté. C'est vrai. J'ai vraiment. Puis ça sort de nulle part encore. C'est comme sa révélation à Star Wars, comme se faire dire que Luke, je suis ton père, mais ça, c'est pas. Ça marche pas. Ça marche pas aussi bien. C'est mal amené. C'est juste pas le même impact. Puis, je veux dire, Dragon Ball, c'est supposé être des gros combats épiques que les personnages volent dans les airs. Puis, faut t'attendre tout le film avant qu'il arrive un vrai combat surnaturel comme on voyait souvent. Puis je veux dire, même là, il n'y en aurait pas de combat à la fin, ça n'apporte rien. Le combat, il sert à rien. Je veux dire, ça fait pas avancer rien. Enfin, dans le fond, on n'aurait pas eu le combat contre Piccolo, puis le film serait terminé, puis ça aurait rien changé. Puis c'est ça le problème du film, il n'y a rien qui apporte rien. Toutes les scènes d'action, il n'y en a aucune de justifiée. Toutes les batailles ne servent à rien. Il n'y a rien qui sert à quelque chose dans le film, puis ça n'a vraiment pas de contenu. Fait que j'ai fait comme toi, j'ai mis mon cerveau à off, puis je m'attendais à voir le pire film, un des pires films des dernières années, puisque c'est comme ça que le monde en parle, puis j'ai pas trouvé ça si pire, mais encore une fois, c'est le buzz, sauf que là, c'est un buzz dans le sens contraire. Ouais, ouais. Non, c'est ça, moi j'ai trouvé ça divertissant pour le temps que ça a duré, mais c'est pas quelque chose que je vais chercher à revoir ou quoi que ce soit, là. Mais c'était pas pénible, comme tu dis, c'était pas non plus la grosse torture comme j'aurais pu m'imaginer. Tu sais, c'est surtout que toi puis moi, ça fait un bout là, qu'on fait le podcast, mais avant même de faire le podcast, on est habitué d'écouter des mauvais films, des nanars, des navets, ces choses-là. On en a vu des mauvais films. Fait que, tu sais, on a notre culture là-dedans, puis je crois que, tu sais, Dragon Ball, oui, c'est vrai, c'est un mauvais film, puis je vais pas renier tous les défauts que le monde y reproche, mais j'ai honnêtement vraiment vu pire que ça pareil. Là. Oui, moi aussi. Mais je suis quand même scandalisé que Stephen Chow soit producteur. Puis je le dis parce que je suis tellement habitué que ce gars-là offre des produits de qualité que je peux pas croire qu'il... Parce que quand on regarde le générique à la fin, c'est pas exécutif, producteur, puis là, t'as 5 noms, puis là, t'as Stephen Chow. Non, c'est produit par Stephen Chow. Ouais. Fait que c'est un gros nom en plein. Fait que moi, sur le coup, j'ai juste pas compris. Mais... Ça dit sur Wikipédia qu'il était supposé réaliser, mais c'est lui qui a décliné. Mais je sais pas pourquoi. Ben, sûrement après avoir lu le scénario. Probablement, parce que je pense que ça aurait été un des meilleurs candidats pour faire une adaptation de Dragon Ball, mais je pense que ça aurait fallu que ce film-là soit tourné du côté de l'Asie, justement, puis non du côté américain, mais il y a eu un Dragon Ball asiatique. Okay. Ça est sorti des années 90. Je sais pas si la plupart des fans l'ont vu. En tout cas, j'ai parlé avec deux gros fans à ma job qui sont des gros fans de Dragon Ball. Puis tu sais, quand je dis gros fans, ils ont des tattoos. Puis ils connaissent tous les films par cœur. Puis ils ont détesté Dragon Ball Evolution. Puis ils ont pas vu la version asiatique. Mais c'est un petit peu normal. Ça, c'est un peu comme le Captain America de Corman. Okay. Dans le sens que c'est tellement cheesy, tellement mauvais que le film a jamais été distribué en DVD. Fait que peut-être que Scream ou Shout Factory vont faire comme pour Captain America puis sortir en Blu-ray pour le fun. Ça pourrait être le drôle. Mais, mais moi, j'aurais changé la finale. Le lieu où ça se passe, ces genres de montagnes-là, de rochers-là, je trouvais ça plate à mort. Comme visuellement, ça ne m'apportait rien. Là, puis c'était sombre. Puis c'était pas. Ben, en même temps, je me disais, ça va peut-être servir comme de décor de destruction durant le gros combat épique. Puis pas tant que ça. Ils n'utilisent pas de décor plus qu'il faut. Puis. Puis tu sais, je trouve. Oui. Oui, non, vas-y. Ben, je trouvais sympathique les scènes au début, comme je disais, de high school, mais en même temps, c'était du super cliché tout le long. Là, mais il y a une partie de moi qui aurait aimé ça, que ça continue comme ça, mais en même temps, comme je dis, c'est du gros cliché, fait que je suis comme divisé, là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais voulu exactement. Ben, ça, on appelle ça, je pense, la zone de confort, parce que veux pas, c'est des trucs qui sont tellement clichés que ça serait un défaut, puis tu le reproches aujourd'hui, mais que veux pas, dans ton subconscient, t'es content de le revoir, parce que c'est une formule qui est le fun. Ben, moi, j'ai trouvé fun, cette formule-là, puis... Comme tu dis, le début, le nerd qui se fait écœurer par les Goku, puis il a pas le droit de se battre contre eux, il doit garder ça secret. Moi, ça marche, puis je sais que c'est cliché, mais... Moi, c'est parce que, en particulier, j'ai vraiment un fait pour les films de high school, que ce soit Detention, que ce soit Grease, que ce soit n'importe quel film qui se passe dans un high school, les Mean Girls, n'importe quoi, j'adore. Tous ces films-là, j'en mange, là, tu sais, j'adore ça. Je les ai pas toutes vues, mais j'adore. Fait que dès que ça se passe dans un high school, puis que même tu revois tous les mêmes clichés à chaque fois, je rembarque à chaque fois, tu sais. J'ai aucune idée pourquoi, là, j'aime ça tant que ça, mais j'aime ça. Ben, je pense que, tu sais, on a des formules de films qu'on a découvert depuis notre jeunesse, qui, tu sais, même aujourd'hui, les grosses productions continuent de surutiliser, puis qu'on a pareil du plaisir. Tu sais, qu'on sait que c'est pas bon, puis que c'est un cliché, mais qu'on a pareil du plaisir à revoir, puisque le petit effet nostalgique, j'imagine. Peut-être, oui. Tu sais, combien de films qu'on a écoutés, puis qu'on adore, que t'as un jeune héros qui est comme le nerd de l'école, puis qui se fait battre par. Tu sais, comme Karate Kid, là. C'est exactement ça. Puis on a du plaisir à revoir ça, même si je sais que c'est une formule diluée. Là. Oui. Parce que c'est un peu ça au début avec son grand-père. Son grand-père qui a essayé d'y apprendre à se défendre, c'est contre les gars qui l'écœurent à l'école. Mais c'est exactement ça, c'est Karate Kid. Oui, exactement. Étonnamment, il y a beaucoup de fights dans le film. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. C'est bof. Sont divertissants, mais je suis pas un fanatique des combats câblés. Puis surtout, l'utilisation des câbles sont mal utilisés là-dedans. Je veux dire, ça paraît énormément. On est loin de Tigre et Dragon. Là, je veux dire, c'est pas super bien maîtrisé. Puis ça paraît souvent ridicule par moment. Le héros, des fois, fait des pirouettes par en arrière, par en avant de manière un peu maladroite. Surtout, tu sais, quand tu le sais que l'acteur principal n'est pas un artiste martial, mais qu'ils essaient tant de te le faire croire en essayant d'utiliser des angles puis un montage plus cut, plus serré. Là. C'est juste que dans le film, ça paraît un peu ridicule. Surtout adapté d'un anime qui mise sur les combats. Là. Je veux dire, c'est comme faire une adaptation de Mortal Kombat, mais que tu prends juste des acteurs qui savent pas se battre. Il aurait pris un autre acteur pour jouer Liu Kang, par exemple. Là, puis ça l'enlève un peu la crédibilité de la chose. Oui, tout à fait. Sinon, ben c'est ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Là. C'est un divertissement inoffensif, là. Mais comme... J'ai pas envie de le démolir. Non, moi non plus. Ça m'étonne. Oui. J'étais comme je suis prêt, je vais l'écouter, puis je vais le massacrer. Puis... Non, puis hey, même j'ai même pas envie de détruire mon DVD. Comme ton Christmas Vacation 2. Ouais, comme Christmas Vacation 2, lui, j'avais envie de le brûler. Tu sais, Dragon Ball, il va rester dans ma bibliothèque de navet, puis ça me dérange pas. Je suis curieux d'entendre, je sais plus c'est quel auditeur qui l'a acheté aussi, puis savoir si lui veut détruire son Blu-ray. C'est vrai, il l'avait payé. Ben, c'était marqué 6,99. Je sais pas si c'est ça qu'il avait payé exactement. Là, mais... Ben, il l'a payé le double de moi. Moi, je l'ai payé 3$. Parce qu'il disait que c'était dans un pack de plusieurs films. Je me souviens plus du prix exactement, mais c'est ça. Ouais. Je sais pas, j'espère que. En tout cas, c'est son choix aussi là, d'avoir payé ça. Puis on force pas personne à acheter les films, en fait, c'est ce que je voulais dire. T'sais. Acheter The Killer, le Blu-ray est 5$ au HMV. Achetez pas Dragon Ball à 6$, achetez The Killer. Ou payez 8$ par mois pour Netflix, puis vous l'avez sur Netflix, si vous voulez pas l'acheter. Oui, ou ça, oui, oui. Pour l'instant, en tout cas, je sais pas pour combien de temps, mais il est là sur Netflix, The Killer. Pas Dragon Ball, en tout cas. Non. Mais c'est ça, à part ça... Ben, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur Dragon Ball. T'sais, on pourrait faire une grosse thèse sur l'adaptation puis commencer à débattre avec l'anime, mais on n'a pas vu. Ben, fait déjà, partant, vu ça l'enlève ça. Fait qu'on se retrouve avec un film qui n'a pas de contenu, fait qu'on peut rien dire par rapport à ça, puis c'est juste une ligne droite des personnages qui vont du point A au point B chercher des boules. Chercher les boules. De l'esprit tordu, hein? T'aurais quasiment été parfait pour jouer le rôle de Monsieur Tortue, hein? J'aurais aimé ça qu'il marque ça en tagline. Chercher les boules. Chercher les boules. Eh hey, oui, c'est le fun, hein? Allons chercher les boules. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, pour moi, là. On les appelle les Dragon Balls, aussi connus sous le nom Boobies. Search the Boobies. Dans le fond, c'est pas un dragon qui en sort, c'est comme des filles avec des grosses boules. Ouais, c'est ça. Ça serait un meilleur film, Otadine. Mais c'est quoi, Piccolo veut les boules, puis dans le fond, Piccolo veut les Dragon Ball pour faire le souhait puis vouloir détruire la Terre ou l'anarchie? Ou... Ça, c'est drôle parce que je trouve tout le temps ça... Puis là, je dis n'importe quoi, mais je trouve ça tellement drôle, les méchants dans les films qui veulent régner sur un monde à moitié mort, tu sais, s'ils veulent détruire le monde puis régner dessus. C'est comme bravo champion. Je sais, c'est quoi, t'as pas plus d'ambition que ça que, tu sais, le cliché de je suis méchant, je veux détruire le monde. Ouais, mais tu veux vivre où après? Tu vas régner sur une planète morte, tu sais. ça fait. Puis on parlait de la de la scène à la Marvel générique, là. Oui. Parce qu'à la fin du film, tu te dis, ouais, Piccolo. Il est mort. Fait que là, le générique embarque. Puis là, étonnamment, j'ai laissé le générique suffisamment longtemps pour embarquer la scène de ouais, la aussi, scène de pour avoir un feeling, peut-être juste pour une prémonition. Là. Ouais. Là, j'étais comme, OK, cool, il y a une scène, voyons voir c'est quoi. Tu vois juste une fille qui commence à faire de la soupe, elle l'amène, puis là, tu vois quelqu'un d'abri sur une couverture. Puis là, j'étais comme, c'est qui? Ça l'annonce peut-être un prochain méchant. Et non, c'est juste Piccolo malade en dessous de la couverture avec sa grosse face de mutant vert, puis elle donne de la soupe. puis ça fait comme un genre de tin-tin-tin, puis je suis comme... Ah ouais? Un petit peu plus, puis elle allait dire « Maman, je veux pas aller à l'école à matin. » Oui, quasiment, puis c'est comme, c'est bien con, puis pourquoi cette fille-là a recueilli Piccolo, puis elle le connaît-tu, puis... Ça fait juste sans qu'une tête. Là, toutes ça, des ça. Questions pour la suite. On demande ouais, la suite. On veut réponse à ces questions-là. Je vais écrire à Stephen Chow. Hey, produit la suite. Je veux savoir pourquoi il donne la soupe et pourquoi elle l'a recueillie. Puis étais-tu bonne la soupe? Étais-tu bonne la soupe? C'est une soupe au poids. Puis finalement, ils vont-tu leur trouver les boules? Dragon Ball. Evolution. Pourquoi Evolution? C'est peut-être pour le côté technologique, là, le Hummer qui vole. Est-ce qu'il vole pour de vrai ou il fait juste jumper puis atterrir comme ça? Non, il vole, il y a comme des réacteurs en dessous des roues. Oui, comme la DeLorean. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, pourquoi? Puis c'est ça, comme je te dis, on ne sait jamais si on est dans un univers futuriste, vraiment science-fiction, ou un monde apocalyptique Mad Max. Par moment, j'étais comme, OK, on est dans un désert, tout est mort. Je suis comme... C'est-tu Mad Max? C'est quoi? Là, c'est quoi qui se passe là? Puis c'est drôle quand Son Goku se transforme en genre de loup-garou. Ils essayent de se la jouer des plans d'horreur. Tu sais, tu vois comme James Wan qui est comme oh, je vais utiliser ça. T'as comme un plan dans une caverne que l'héros, un des autres personnages est comme vas-y, je m'en occupe. Puis il est là juste à viser avec son gun dans l'entrée du tunnel. Puis là, un genre de faux suspense. Est-ce que la créature va nous faire un jumpscare et arriver? Mais elle arrive par le mur, puis tu sais. Ça fait même pas de jumpscare, c'est raté, puis c'est maladroit, là. Mais, par contre, Justin Chatwin, qui joue Sangoku, joue aussi dans Disco Town, avec Patrick Huard. Funky Town. Funky Town, c'est ça, c'est lui qui joue des héros du film. J'ai pas vu Funky Town encore, fait que, d'accord. Et je voyais, qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? War of the Worlds. C'était-tu le Flo là-dedans? Ouais, il joue le fils de Tom Cruise. Ah, c'est ça. C'est là que je l'avais déjà vu. Mais Josine de Pussycat. Ah, il fait juste un fan. Ok, pas rapport. J'essaie d'oublier ce film-là. T'as pas aimé ça? Non. Ah, moi, j'avais pas aimé ça. C'est quand la dernière fois que tu l'as revu? Ça fait très longtemps. C'était à cette époque-là. Ok. Ben, moi aussi. Puis quand je l'ai revu, ben, c'était une claque sur la gueule. Parce qu'il me semble que ça a bien vieilli. Il me semble que ça. Avec les années, les gens ont fini par l'apprécier plus, si je me souviens bien. Là, la critique est devenue super bonne après ça, là, il me semble. Je serais vraiment curieux de ton opinion. D'après moi, je pense qu'il faudrait faire un épisode à un moment donné avec ce film-là. Ouais, ben je voulais justement le revoir dernièrement. J'essaie de me le trouver, là, puis j'y ai pensé dernièrement, ce film-là. Ça serait intéressant. Oui. Mais sinon, écoutez pas Dragon Ball pour découvrir Channing Fat. Non. Il est meilleur dans bien d'autres films là-dedans. Comme je dis, il est vraiment en mode automatique. Puis même en mode automatique, moi, il me plaît. Là, Channing Fat, je pense que je ne l'ai jamais trouvé mauvais. Mais écoutez The Killers. Oui. Mais malgré tout ce que j'ai dit au début de l'épisode, moi aussi, je recommande plus The Killers que ça. Là, c'est clair et certain. Là. Dragon Ball. On ne peut pas se faire une idée avec ça de la série. Là, non. Aucunement. Fait que non, on le regarde pour l'aventure qui se passe à l'écran pendant 1h20, puis c'est tout, puis ça finit là. Puis c'est pas du temps tellement perdu. On peut avoir du fun, comme on a dit, mais. En tant que cinéphile, c'est du temps perdu. Ouais, il y a d'autres choses à voir, c'est sûr. Là. Tous les bons films, mais nous autres, pour le podcast. T'aurais pu me dire, pendant 1h20, j'aurais pu écouter deux épisodes ou presque de Daredevil. Tu sais. Arrête, tu vas me faire regretter de... Ben écoute, gars, moi je me sers du podcast pour ça. Je me suis dit, gars, je vais jamais écouter Dragon Ball de ma vie sans que j'aie une bonne raison. Puis là, je me suis dit, je vais utiliser le podcast pour ça. C'est fait. Ça sert à ça, le bras de fer. Puis on vous a averti. Vous savez à quoi vous attendre. Dites-nous votre opinion. Moi, j'ai vraiment envie d'entendre s'il y en a d'autres qui ont vu The Killers. Bombardez de commentaires, que ce soit bon ou mauvais. J'aime ça, moi, tout court parler de ce film-là. Et même chose pour Dragon Ball. Si vous n'avez pas vu le film, mais vous connaissez bien la série, ben faites-nous une petite culture de la série. Puis ça pourrait être intéressant de peut-être nous donner la piqueur. Puis on va peut-être s'intéresser à peut-être découvrir ça, puis aussi à parler du film, dites votre opinion, puis la comparaison avec l'anime, même si je sais que de tout ce que j'ai lu, il y a pratiquement rien là, qui est fidèle. Fait que... Fait que là-dessus, on a terminé, je pense? Ouais, ouais. Donc, là-dessus, on va se terminer. On va se terminer ça avec la chanson au thème de la série Dragon Ball. Et juste avant, on voulait juste annoncer aussi que la semaine prochaine, on fait un time-out, comme d'habitude. Probablement vendredi? Oui, ça devrait se tenir à vendredi. On va confirmer ça éventuellement là, sur la page Facebook. Mais justement, page Facebook, facebook.com/bras-de-fer-des-films. Le site internet, bras-de-fer-des-films.com. Tout s'y trouve, en fait, nos épisodes, nos vidéos qu'on fait. On a fait des vidéos, comme on l'a déjà dit, sur Jurassic World. Sinon, ben c'est ça. Twitter, je ne suis pas très, très actif là-dessus. J'essaye. Instagram aussi, on a un Instagram. C'est /bras-de-fer-des-films. Il y a des photos de films de temps en temps qui se rajoutent, qui sont soit des classiques ou des navets, selon moi, qui sont toutes dans ma collection à moi. Sinon, ben c'est ça. Je pense que... Qu'est-ce qu'on voulait annoncer d'autre? Rien d'autre, je pense, pour l'instant. Non, c'est okay. Pas mal tout. On ne sait pas encore les prochains films qu'on va faire. Fait. Ouais, j'en ai une coupe en tête, mais on va s'en parler hors d'onde et on va vous revenir là-dessus au prochain Time Out. Et donc, on vous laisse, comme j'ai dit, avec le thème de Dragon Ball. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Steven. Fait plaisir. C'est toujours une joie... T'as pas aimé des kids. Non, je te dis. C'est toujours une joie de faire les épisodes bras de fer. J'adore ça. Ben, moi aussi, c'est tout un joie. Puis, ben, je vous remercie encore à tout le monde de nous écouter et on se dit à la prochaine. Bye. Bye. Si tu le construis, il viendra sûrement.